Saint-Esprit. Parce que c'était. Parce que c'était la parole. Merci le frère Julien. Parce que c'était la parole. Alors mon frère Julien. Parce que c'était la parole. Et le Seigneur et on sait, ils ont accepté. Paul ne sait pas, Pierre ne sait pas, il est pour dire que qui es-tu Pierre? Qui es-tu Paul pour me dire ça? Qui es-tu? Hein? Il y avait de l'humilité. Vraiment, il faut que dans la parole, quand on lit la parole, nous devons nous soumettre à ce que la parole dit, pas ce qu'un homme dit. La parole dit quoi? Parce que ça, c'est le miroir. Même les prophéties, même les prophéties doivent être examinées. Examinées parce que la question du salut est tellement. La question du salut est tellement importante, mon frère. La question du salut. Ne blaguons pas avec le salut. Avec ce que le Christ a fait sur la croix pour nous délivrer. Ne blaguons pas avec. Ne blaguons pas. C'est une question de la vie ou de mort. C'est une question d'un salut. D'une espérance. Gardons cette espérance et nous ne jouons pas avec. Ne jouons pas avec l'espérance que nous avons. Que Christ nous a donné. Vraiment, j'attire encore notre attention. Ne raisonnons pas. Je ne dis pas que tel a fait ça, tel a fait ça. Non, la parole me dit quoi? La parole me dit quoi? Et si la parole sort, mon frère, humilie-toi. Parce que ton salut, notre salut en dépend. Notre salut en dépend. L'humilité face à la parole du Seigneur. L'humilité. Le Seigneur a été humble. Il a été humble de. Il dit que mon joug est léger. Mon joug est léger. Humble de cœur. Il était humble de cœur. Donc, mes frères, le Seigneur permettra qu'on partage sur l'humilité. Ayons l'humilité. Ayons l'humilité. Le Seigneur nous a fait la sorte. Parce qu'il était l'exemple, la copie parfaite de cette humilité-là. La Bible dit dans Ésaïe 53 que bien, oh, il était roi, il était le Dieu. Mais on l'a mené à l'abattoir. Il était simple. Il n'a pas renoncé. Mais il faisait tout ça à cause de nous. À cause de nous. De l'amour qu'il avait manifesté à nous. L'amour. Et il dit dans Matthieu 17, quand ils font la parabole sur les tribus, il rentrait de Capernaum et il était avec Pierre. On lui pose la question, quand il faut payer les tribus. D'autres disent que non. Celui qui le recevait dit que Pierre, vous ne payez pas. Pierre dit oui. Mais quand ils sont arrivés à la maison, le Seigneur dit que oui. Oh, le roi de la terre, à qui reçoit-il le tribut? De ses fils ou bien des étrangers. J'ai dit des étrangers. Tu as bien compris. Oh, va dans la bouche de ce poisson, lance la canne, récupère tout le poisson et tu prends un statère. Va donner pour moi et pour toi. Afin que le scandale ne vienne pas. Parce que nous devons comprendre, il était roi, il était Dieu. La terre, il était le fils, la terre lui appartenait. Mais il n'a pas montré qu'il était fils. Il n'a pas montré qu'il était Dieu. Il n'a pas montré qu'il a laissé tout ça. Il dit que non, ne faisons pas ça, ne scandalisons pas. Faisons comme ça, à cause de l'humilité. À cause de l'humilité. Et la Bible dit que c'est à cause de cette humilité, Philippiens 2 nous dit que bien qu'il était, il avait la c'est Colossiens 2, 9, qui dit, en lui, dans ce corps-là, il avait la plénitude de la divinité. Et Philippiens 2 nous dit que jusqu'à là, il ne s'est pas regardé égal à Dieu. Mais par contre, Dieu, à cause de l'humilité, Dieu l'a élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom. Mais bien aimé, la parole, on doit se soumettre à cette parole-là. Vraiment, soumettons-nous à la parole. Ne réfléchissons pas, ne cherchons pas. Tel a raison, non, tel n'a pas dit ça, tel a dit ça, la parole nous dit quoi? Voilà, la parole nous dit quoi? Et si c'est la parole, voilà, on revient vers ce frère, on dit que, ah, Seigneur, je te rends grâce pour ce frère, parce que c'est pourquoi la Bible dit, faisons attention, 1 Corinthiens 10, verset 18 nous dit que, ne vous recommandez pas vous-même. Ne vous recommandez pas. C'est Dieu qui recommande. Parce que quand Dieu recommande quelqu'un, il donne des armes. Et quand tu vas là-bas, Oh, tu bois de l'eau claire, c'est pas comme le frère Fossano à la fille, c'est pas l'eau de Mara, c'est l'eau claire. Parce qu'il faut que nous vivons de cette eau claire. Oh mes frères, il faut que l'eau soit claire pour notre croissance. Pour notre croissance. Parce que si on boit, si on mange de la mauvaise nourriture, si on mange de la mauvaise nourriture, on aura du croche-corps. On ne va pas croître comme le Seigneur. Le Seigneur veut notre croissance. Donc, il veut notre croissance spirituelle. Il faut qu'on soit, qu'on fait les dons qui est parmi nous là, que le Seigneur passe par nous pour nous enseigner. Parce qu'il faut ça, il faut de l'enseignement pour que nous puissions grandir dans la foi. Pour que nous puissions le connaître. Il faut l'enseignement. Et avec beaucoup d'humilité, on connaît des grâces que le Seigneur a mises. Et la Bible dit qu'il a fait tout ça pour le perfectionnement des saints. C'est pour que nous parvenions à la connaissance du vrai Dieu. Que nous parvenions à la connaissance. Il faut qu'on soit enseigné, qu'on mange de la bonne nourriture, de la bonne parole, pour croître spirituellement. Donc, mes bien-aimés, vraiment, que le Seigneur s'y prête à Dieu, on entrera sur l'humilité, parce que c'est important pour notre marche avec le Seigneur. Voilà, dans le frère Julien là, peut-être il va nous dire bonjour. Bonjour mon frère Julien. Merci, s'il te plaît. Oui. Je peux poser une question d'abord, s'il te plaît. Vas-y ma soeur, ça me donne mon lieu. Bon, moi je ne comprends pas, mais je veux savoir une chose. Comme tu l'as dit tout à l'heure, quand tu as dit que Jésus-Christ notre Pâque. Je veux savoir ce que tu avais dit. Jésus-Christ notre Pâque. Oui. Ça veut dire quoi juste? Mais c'est on dit que c'est Jésus qui nous a délivré nos masques, ma soeur. C'est Jésus. Mais tout ça doit servir à pardon. Il doit avoir trois Pâques. Là, je veux comprendre, hein. Je n'ai pas dit que ce que tu as dit, c'est pas vrai, mais je veux comprendre. Tout c'est le même que Pâques, et puis on doit célébrer encore la Pâques. Donc je veux comprendre quoi, c'est tout. Mais on dit bien qu'on a un peu de commémorer, on se rappelle de ce qu'il a fait à la croix. On se rappelle. C'est pour ça qu'on dit que c'est en son nom qu'on le fait. C'est en son nom du Seigneur, c'est parce que le Seigneur l'a fait qu'on se rappelle. C'est pour ça qu'on dit qu'il est notre Pâques. Parce que s'il n'était pas allé à la croix, c'est en son nom qu'on communique cette Pâque-là. C'est en son nom. C'est pour ça qu'on dit que c'est notre Pâque. Il est notre Pâque. Parce qu'on le commémore au nom de quelqu'un d'autre. Au nom de Jésus, c'est à cause de lui. Je ne sais pas si tu as répondu à ta question, ma soeur. Non, il t'a répondu, mais bon, c'est comme le frère, il a fait la Pâque. Moi aussi, j'ai peur parce qu'on a passé dans les assemblées qu'on dit que comme Jésus est notre Pâque, on doit bien célébrer. C'est pourquoi je demande, pour bien comprendre. Voilà. Donc c'est ça, j'ai compris. Non, Jésus est notre Pâque, parce que on dit que c'est l'agneau parfait. C'est l'agneau parfait. Il est allé à la croix. Il a fait tout à la croix. Le frère, c'est comme la sabbat. La sabbat. Je prends l'exemple sur la sabbat. Oui, mon frère, je vais quand je la sabbat, comme les Juifs le pratiquaient, sachant que dans la Nouvelle Alliance, le Seigneur nous dit que c'est lui la sabbat. Amen. Voilà une figure. Amen. Mon frère. Amen, mon frère. Est-ce qu'en tant que c'est notre sabbat, est-ce qu'on fait le sabbat comme les Juifs le faisaient? Excusez-moi, mes frères, moi, je ne comprends toujours pas, en fait, l'histoire de la Pâque. En fait, comme disait mon mari, c'est pas que on veut pas fêter la Pâque, on n'est pas pour contre fêter la Pâque, mais c'est tout ce qu'il y a autour, en fait, c'est-à-dire le pain sans levain, l'agneau et tout qu'il faut immoler, machin, et tout ça. C'est moi, c'est ce que je ne comprends. Vous avez parlé, moi, je n'ai jusque là. En fait. Donc peut-être le frère Junior est là, s'il peut vraiment peut-être bien nous expliquer, parce que mon mari et moi, jusque là, en fait, on est toujours perdus et on ne comprend pas le pourquoi du comment, et que le Seigneur ouvre notre intelligence afin qu'on comprenne vraiment. Merci. La France dans la sainteté, bonjour. Bonjour mon frère Junior. Mon frère Junior. Bonjour frère Junior. Bonjour frère. Alors, Toujours un réel plaisir de me réunir avec les saints et particulièrement les saints de la France et de savourer les bons repas mangés en votre compagnie. Bonjour du côté des Rennes avec le couple, le célèbre couple de le, quoi le type même de la mixité des cultures entre les juifs et les païens. Bonjour et bienvenue. Shalom, shalom. Le frère Pierre, bonjour. Le frère Pierre qui parle. Alors mon frère bien-aimé Junior. Voilà, le frère Pierre, Pierre Bertrand, bonjour ici. Bonjour frère Junior. Ça va? Par la grâce de Dieu. N'est-ce pas, tu disais dans ton cœur qu'un de ces jours, un jour tu vas me voir? Oui, oui. Mais voici donc maintenant l'homme. Ah. Je suis vraiment en joie. Ouais. Permets-moi de prendre mon stylo avec mon petit carnet, d'accord, mon frère. Amen. Qu'est-ce qui est noté sur toi ici? Ça, c'est Pierre. Que Dieu te bénisse. Frère Bertrand, tu sais que tu, quand tu dors, tu te trouves quelque part alors que tu ne connais même pas le lieu et tu n'es même pas là-bas. Possible, oui. Comment ça possible? Est-ce que tu sais que tu dors, tu es couché, mais tu te trouves quelque part que tu ne sais même pas comment tu es arrivé là-bas? Oui, il m'est arrivé plusieurs fois dans des anges. Tu voles ça, tu prends goût à cela. Oui, oui. Faut qu'on traite avec ça, n'est-ce pas, frère? Merci, frère. Amen. Amen. On va traiter cela. Donc, il y a de la sorcellerie dans ta famille. Et ça coule dans tes veines. Amen. Et tu le sais, ça? Oui, je sais qu'il y a, il y a beaucoup de sorciers dans ma famille. Mmh. Toute la famille est vraiment dispersée à cause de cela. Oui, donc c'est le principal problème là-bas, parce que dans ton sang, c'est ce qui est écrit ici, dans ton sang coule les veines, le sang de la sorcellerie. Et frère Pierre Bertrand Mani, on peut dire qu'il a le sang du sorcier. Ça veut dire que je suis sorcier, frère. Tu peux disposer, tu sais, alors que tu étais petit, on t'a entraîné, on t'a amené chez quelqu'un qui est âgé. La personne t'a porté et a fait des incantations sur toi dont tes parents ne sont pas au courant. Donc c'est ça qui en était suivre comme ça. D'accord, mon cher? Oui, donc la personne a venu faire des conjurations sur toi disant que tu feras partie de leur cercle. Mais Jésus, notre Seigneur, en a décidé autrement. Amen. C'est pour ça que tu peux voir dans ces songes, ces songes-là, ce sont des songes d'initiation où tu peux voler, aller d'ici, aller par là. Ils sont encore venus avec les choses maintenant. Alors que je voulais dire, je crois que c'est mieux. Je ferme ta page. On parle autre chose. Ne t'inquiète pas, tu n'as pas mouru, d'accord, et tu n'as pas tué les gens. Ta page est là, c'est bien écrit, d'accord, mon frère. C'est bien écrit sur toi. Amen. Il y a encore qui ici? Wow, le temps pour moi de dire bonsoir encore. Laetitia Kemoni, bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Shalom, mon frère. Du côté bien de Yaoundé, il n'y a pas coupé de lumière, n'est-ce pas? Comme constamment ici. Non, depuis, il y en a eu ce matin. Mais depuis midi, ça va mieux. T'inquiète pas, dans votre pays, ça va bientôt changer, d'accord? Amen. Vous allez expérimenter le changement. Vous allez expérimenter le changement. Voilà. La sœur Anne Goba, bonjour. La sœur Anne. Bonjour, frère Junior. On va voir ce que c'est que Christ notre Pape, n'est-ce pas? Avec la question que notre frère, la sœur Ophélie, a posée également. Il faut qu'on voie tout cela maintenant. Amen. Mon bien-aimé frère Joseph Kamagate, bonjour. Bonjour, mon bien-aimé frère Junior. Et bonjour à toute ta maisonnée, d'accord? Amen, mon frère. Que le Seigneur vous bénisse. Le frère Olivier, le frère Olivier de la Chine, bonjour. Donc je m'excuse d'être venu en retard. J'étais j'étais prêché quelque part depuis le matin. J'étais quelque part. Donc je viens tout juste d'entrer et puis il dit ah il faut que je vienne en France. Je suis avec vous maintenant. Amen. Bonjour. Bonjour mon frère bien-aimé. Comment vous allez de ce côté-là? On se porte bien. C'est à toi. J'avais parlé d'un gaz. Non, je crois qu'il ne faut pas que j'entre dans ces choses-ci. J'avais parlé des problèmes de respiration dû à un cloud la nuit, n'est-ce pas? Non, justement. Ok. La sœur Hélène, bonjour. La sœur Kétia, bonjour. Le frère Yannick, bonjour. La sœur Laura, bonjour. Le frère Louis Gracien, Mikaka, bonjour à vous. Maman Elsa, bonjour. Bonjour. Bonjour au couple Patou. Bonjour à vous. Bonjour à la sœur Marceline Victoire. Bonjour. De rue shalom Bougainville. Fatima. Oui, shalom, shalom. De rue Bougainville. Bonjour à toute la famille là-bas. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5. Oui. Bonjour la petite là. Bonjour. Bonjour frère Jésus. Oui, bonjour aussi frère Junior. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Je crois que je crois qu'il dit bonjour à mon frère bien-aimé Osvald. J'ai dit bonjour, non? Non, pas encore. Bon, bonjour. Wonderful. Bonjour. Bonjour. Que Dieu te bénisse, mon frère. Bon, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse toute la maison. Avec que tu avais pas fait. Voilà. Donc le frère Pierre Mani, à la fin d'ici, plaise au Seigneur, il faut que je te donne les instructions. Comment tu vas commencer à traiter avec cela? Ça, parce que ça, au fur et à mesure, dans ton jeune âge, justement, on t'initie avec ceci. Mais le fait que tu t'es lié par la foi au Seigneur Jésus-Christ, c'est ça qui crée ces choses comme ça. Tu ne peux pas avancer spirituellement avec le Seigneur. Tu vas toujours voir qu'il y a quelque chose qui te tient en captivité. D'accord, frère? Amen. Par contre, là, je dois faire un déplacement de 2h30 à 3h de temps. Donc, à partir de 3h, il est possible que je sois chez moi vers 18h. Oui. Il n'y a pas de problème. Même si ce n'est pas ici, même chez les hommes, on va se rencontrer, d'accord? Mais de toute façon, comprenons ceci. Dans tes moments de prière, il faut dénoncer l'esprit de sorcellerie. Et était désengagé, c'est-à-dire que le Seigneur coupe tout lien entre toi et l'esprit des sorcellerie dans ta famille, d'accord? Ouais, ouais. Moi, je fais même déjà. Voilà. Moi, à ta place, je prendrai un jeune spécifique, de façon spécifique pour cela, pour traiter avec ce cas. C'est parce que tu ne peux pas avancer avec cela. Amen. Alors, 1 Corinthiens chapitre 5, versets 7 et 8. Oui, mon frère. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7 à 8. Il est écrit. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Voilà. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Donc, ici, dans ces versets 7, la partie C des versets 7, il est dit là-bas que Christ, notre Pâque. On appelle littéralement Christ, notre Pâque. Et là, la sœur, à mon entrée, quand je vous entendais parler, quand tu développais là, la sœur en disait, dans certains milieux, ils sont passés, il leur a dit là-bas que comme Christ est notre Pâque, on n'a plus besoin de célébrer la Pâque parce que Christ est déjà notre Pâque. Tu vois, un paradoxe. Et puis l'apôtre Paul, plus tard, dans 1 Corinthiens chapitre 11, va dire au verset 27 au verset 29 que car j'ai reçu moi-même du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Que la nuit où le Seigneur fut livré, pris du pain. Il dit j'ai reçu ce que je vous ai enseigné. Il leur a enseigné ça. Quel était l'intérêt de le faire cela? Il dit c'est pourquoi donc celui qui s'approche à la table du Seigneur, vous voyez cela, n'est-ce pas? Mange contre lui-même sans jugement, sans se juger, mange contre lui-même et boit le jugement. Et ça veut dire que l'apôtre Paul a enseigné aux gens comment célébrer la Pâque. Et il fait célébrer justement. Et dans 1 Corinthiens 11, il leur dit que lorsque vous vous réunissez pour le repas, donc les chrétiens se réunissaient pour le repas. Je ne sais pas quelle est la Bible, ces personnes qui, notre soeur a dit qu'elles ont traversé là-bas, dit qu'elles y sont parce que Christ est notre Pâque, nous ne célébrons plus la Pâque. Pourtant, c'est le chapitre 5 que nous venons de lire. Au chapitre 11, Paul va dire clairement comment il leur a enseigné. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 18, on montre clairement comment Paul a passé près de 1 an, 6 mois là-bas à enseigner ces choses, à établir la doctrine là-bas. Et par conséquent, il leur a dit, après avoir dit que Christ notre Pâque a été immolé, il leur a expliqué le pourquoi il faut s'approcher avec la sainteté. Crier haut et fort que notre corps est le temple du Saint-Esprit, qu'on doit vivre dans la sainteté, et annonçant par notre vie, non seulement notre vie sacrificielle ici, la vie de sainteté de Christ, puis par la suite, dans le moment de commémoration, se souvenir que Christ est mort pour nos péchés, et nous attendons comme ça la manifestation de sa venue dans ce monde. C'est en quoi consiste là. Donc, comment les gens donc puissent dire que comme Christ notre Pâque a été immolé, dans ces cas, nous n'avons plus besoin de recevoir la Pâque. Christ notre Pâque a été immolé justement pour que nous commémorons. Puisqu'il a dit, faites ceci. C'est un commandement qui est dit de faire ceci en mémoire de moi. Je ne comprends pas quel genre de Bible on puisse lire ici. Alors, donc, quand la Bible déclare que Christ est notre Pâque, il faut aller dans l'Ancien Testament voir donc à quoi consistait la Pâque. La Pâque dans l'ancienne alliance consistait au sang de l'agneau. Et en premier lieu, ça vient du mot grec, du mot hébreu Pessah, qui veut dire passer par-dessus, comme le destructeur devait passer par-dessus. Et en regardant le sang qui est appliqué sur le linteau des portes, il ne frapperait pas le premier-né d'Israël. Donc, Dieu regardait les gens au travers du sang, et c'est ce sang-là qui montrait clairement la protection. Et si vous lisez dans l'ancienne alliance, ouvrez le livre de Matthieu, Marc, chapitre 14 déjà, je vais vous montrer quelque chose pour que vous voyez la chose. Marc chapitre 14. Marc chapitre 14. Oui, mon frère, à partir de quel verset? Et je ne sais pas si les gens ont déjà tout pris. Vous y êtes tout le monde là? J'espère que vous voyez mes vidéos parce que moi je ne vois pas les vidéos des gens. Certaines personnes de toute façon. On te voit parfaitement. Que le Seigneur vous bénisse. Marc chapitre 14, tout le monde, j'espère que tout le monde y est. Lis le verset 1, mon cher frère, le verset 1 d'abord. La fête de Pâques et de Pâques sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Voilà. Donc, les ici. Principaux... Non, c'est bon. Ici, il est dit que la fête de Pâques. Donc, vous voyez que ici, la Pâque est désignée. Le moment de la fête, les trois grandes fêtes solennelles, l'une des grandes fêtes solennelles des Juifs était la fête de la Pâque. Donc, vous voyez que ici, la fête est désigné par le nom Pâques. Donc, comme par exemple, on parlait de la fête de 14 juillet chez vous, n'est-ce pas? La fête de la commémoration, par exemple, de l'amnistie, la Normandie, ainsi de suite. La fête de l'amnistie. Donc, il y a un événement qui s'est passé. Et ici, l'événement qui se passe ici, c'est quelque chose s'est passé, on appelle ça Pâques. Maintenant, ici, c'est le nom de la fête. Toute la fête est appelée la Pâque. Je veux que vous voyez que nous sommes dans Marc chapitre 14, et ça, c'est le verset 1. On dit que c'est la fête de la Pâque. Donc, cette célébration-là est appelée la Pâque. Mais maintenant, regardez le verset 12. Verset 12, oui. Le premier jour des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque. Donc, attends, c'est bon. Donc, on dit quoi? Il dit que le Le premier jour des pains sans levain ou long quoi. Immolait la Pâque. Donc la Pâque était immolée. Pourtant, on vient de dire que c'était la fête de la Pâque. Donc ici, on dit que la Pâque est immolée. Donc ici, dans cette version, on voit clairement que c'est l'agneau finalement qui est appelé la Pâque. Donc la fête est appelée elle-même la Pâque. L'agneau qu'on mange est appelé aussi la Pâque. Je ne sais pas si vous comprenez. Maintenant, lisez le verset 14 de ce même livre-là. Verset 14. Quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison, le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque voilà. Avec mes disciples. Donc, quand il mange la Pâque. Et pourtant, c'est la fête de la Pâque. Donc, vous comprenez donc que quand l'apôtre Paul dit « Christ, notre Pâque a été immolé », c'est tout naturel que même si nous sommes de célébrer la Pâque du Seigneur Jésus, ce que nous mangeons aussi, c'est la Pâque parce que Christ est notre Pâque. Parce qu'il est l'agneau de Dieu qui a été immolé pour le péché du monde. Allons dans l'ancienne alliance maintenant, dans le livre d'Exode. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Que Dieu vous bénisse. Deuxième livre. Amen. Amen. On y va, les frères. Oui, mon frère. Je donne le verset. Verset 11 d'abord. De Exode 12. Oui. Amen. Verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Donc voilà ce qu'il appelle la Pâque de l'Éternel. Et souvenons que c'est la Pâque de l'Éternel. Puis maintenant, verset 21, qu'est-ce que ça dit? Verset 21. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immolez la Pâque. Mmh. Alors, immolez la Pâque. Donc vous voyez que la Pâque, c'est la chose qu'on tue. Pas vrai? Parce que immoler, ça veut dire égorger. Amen. Égorger la Pâque. Donc la fête, l'institution, la chose ou mieux la solennité que Dieu a instituée porte le nom de la Pessa. Et cette Pessa là a fini par prendre le nom de l'agneau ou bien le principal acteur de la fête a porté ce nom là. La célébration a porté ce nom là. Donc quand on dit Christ, notre Pâque a été immolé. Christ est effectivement notre Seigneur et notre Pâque. Parce qu'il est l'agneau. L'agneau a immolé. D'accord mes frères? Verset 43. Amen. Verset 43. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, voici une ordonnance au sujet de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Ça c'est clair, n'est-ce pas? C'est bon. Verset 47. Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Donc, ça veut dire c'est un commandement pour tous les Israéliens qu'elle doit censer faire. Aucun étranger n'en mangera. Parce que pour un étranger mange, il y a une conséquence. Si un étranger mange, il y a une conséquence. Si l'étranger veut manger, il y a une façon de le faire. Au chapitre 34 de ce même livre d'Exode, au verset 25 du chapitre 34, il est dit la façon, la condition pour que un étranger puisse manger. Non, c'est dans ce même livre-là, le chapitre 12 au verset 48, c'est dit là-bas, si un étranger veut manger, ce qu'il va devoir faire. D'accord, mon frère? Je peux le lire, mon frère. Ok, lis. Si un étranger en séjour chez toi veut faire la part de l'Éternel, tout mal de sa maison devra être circoncis. Alors il s'approchera pour le faire et il sera comme l'indigène. Voilà. Mais aucun incirconcis n'en mangera. Voilà. Je crois que c'est clair. Amen. Donc en clair, en résumé, le fait qu'on dit que Christ Jésus est notre Pâque veut dire clairement qu'il est l'agneau de la Pâque qui a été immolé pour nous, pour la nouvelle alliance. Parce qu'il était le type de l'agneau là qui devait dégager entre le 15e et le 14e et le 15e jour. Je crois que ça va. La sœur Ophélie maintenant. Elle est là. Je crois que c'est la question est répondue pour notre sœur Anne avec la conséquence du fait qu'on doit célébrer. Là. Je suis là. Oui, vas-y. Vas-y. Maintenant, la sœur Ophélie, réitère ta question maintenant pour qu'on puisse s'étendre là-dessus. Oui, moi, ce que je comprenais pas, c'est que pourquoi, en fait, il y a tous ces... Enfin, lors de la fête de la Pâque dans l'ancienne alliance, en fait, il y a vraiment des conditions à respecter, notamment le pain sans levain, le fait que il faudrait que ce soit un agneau, un mâle âgé d'un an, etc., etc. Mais sinon, le fait ça veut dire que en temps normal, si on doit respecter la Pâque, on doit le faire de manière correcte, en fait, c'est-à-dire comme il le faisait avant. Mais est-ce que quand nous, on le fait aujourd'hui, si on ne peut pas respecter cela, est-ce que ça vaut vraiment la peine de pouvoir... Allons-y à la base, ma soeur. Allons-y à la base. Quand tu parles de respecter, tu en as de parler de ce qu'on vient de lire dans Exode ou bien de quoi, lequel? Oui, ce qu'on vient de lire dans Exode, en fait. Mmh. Donc, tu parlais des moutons, ainsi de suite, un an, ainsi de suite, voilà, n'est-ce pas? Voilà, des moutons, et voilà. Moi, c'est ça, en fait, que je ne comprenais pas. Les herbes à mer. Voilà. Maintenant, oui, les herbes à mer et tout, voilà. Ok. Frère, je pense oui, si le frère Alain aussi peut compléter la question de la sœur, parce que c'est à partir de la question du frère Alain qu'on est arrivé à ce sujet aussi. Oui, que le frère Alain parle alors. Tu appelles là-bas. Amen. Mmh. Tu peux juste reprendre ta question, comme ça on sera beaucoup plus... Oui, pour qu'on complète là, frère Junior, nous avons une église locale ici à Rennes où nous assistons tous les dimanches. Du coup, notre berger, nous, pour lui, on ne doit plus passer la Pâque comme Ophélie de le dire, en fonction de Exode 12 et que Jésus-Christ lui-même était la Pâque. Parce que s'il faut la fêter, nous n'avons pas le pain, c'est pas le pain que nous allons acheter chez les Libanais et autres, ni le pain du Carrefour et autres. Donc, c'était ça la question. Et aujourd'hui, la sœur Julie a dit que la Pâque, on allait la fêter devant la révélation que tu as reçue le 19 du mois prochain. Parler de révélation. Oh, mais là, c'est bon, c'était bien que tu parles de cela. Voilà. C'est bon, n'est-ce pas? On peut parler maintenant. Et du coup, j'ai posé la question de savoir, honnêtement, nous, on était perdus. Un enseignement qu'on écoute ici à Rennes, qui, je tiens aussi à souligner que le frère a la même vision que ce que nous partageons ici. Et nous, on était un peu perdus. Voilà. Devrait-on la fêter? Devrait pas la fêter? Et s'il faut la fêter, est-ce que toutes les conditions ou tous les détails que parle Exode 12 sont réunis pour que la fête soit agréable à notre Dieu? Voilà, c'est très bon. Merci, mon frère. Je crois que le contexte est bien positionné. Maintenant, je te pose une question, ou mieux encore, dans l'optique de la compréhension. Est-ce que les disciples, après que le Seigneur soit mort, allaient et rentrer au ciel là, est-ce que les disciples célébraient la Pâque de Exode 12 qui a été dit aux Hébreux qui sont sortis de l'Égypte? Est-ce que c'est ça qu'eux, ils célébraient? Notez le livre de 1 Corinthiens 11. Notez, on va y arriver. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Que Dieu vous bénisse vraiment. Amen. Donc, je crois que en répondant à la question de la sœur Anne, j'ai essayé de glisser un peu dans sa question en montrant clairement qu'il est question de célébrer encore la Pâque. Maintenant, c'est le comment et la faisabilité. C'est-à-dire que devrait-on... Le problème de célébrer, on a déjà compris qu'on doit célébrer. Alors maintenant, le problème maintenant, c'est de quelle manière doit-on les célébrer, d'accord? Je crois que c'est ce que nous devons avoir maintenant. Maintenant, commençons dans le livre des... j'ai dit quel livre là déjà? 1 Corinthiens 11. Ok, 1 Corinthiens 11. Lisons un peu le verset 24. Lisons du 24 jusqu'au verset 29. Je vais vous dire stop à tout moment. Donc, si vous êtes dans le livre, je peux faire la lecture. Ils y sont depuis. Les femmes alors en particulier. Elles sont trop fortes. Bon, tu y es, frère. Donc, Je suis prêt, mon frère. Maintenant, donc la lecture, tout ce que nous allons expliquer maintenant, nous allons tourner autour du verset 24 à 29. Mais commence, lis un peu vers le verset 17. Verset 17 à 20 d'abord. Allons-y. En donnant cet avertissement, ce que je vous loue, je ne vous loue point. Ce que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Oui. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Vous voyez que les problèmes de que l'Église fait face, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Pourquoi ces personnes? Je veux que vous voyez que si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 1, vous allez remarquer effectivement que Paul leur adressant les salutations dit clairement que dans l'attente qu'ils ont, il ne manquait aucun don spirituel du côté de l'église de Corinthe. Pourtant, quand il va aborder le troisième chapitre, il va commencer à dire qu'il a appris des gens de Chloé, qu'il y a de la division parmi eux, au point où l'homme dit que moi je suis de Paul, moi je suis face autre. Au chapitre 5, il va s'aventurer en disant effectivement qu'il y a même au sujet au milieu d'eux une impudicité telle que l'homme, ça ne se nomme même pas chez les croyants. une église qui était loin de l'esprit. Paul a pris une de ses grandes parties du ministère du temps pour travailler là-bas pendant plus d'un an. Institué de temps, c'est que la puissance du Saint-Esprit s'est manifestée dans le cœur et dans le corps humain, de tous les corps qui étaient là-bas. Les doctrines bibliques, de toutes les révélations leur avaient été données. Ils étaient dans tout ce qu'ils attendaient, c'est la manifestation du Seigneur Jésus-Christ. Ici, il entend donc qu'il y a des divisions. Il dit clairement là-bas que j'entends dire que lorsque vous réunissez, il dit qu'il craint que quand ils se rassemblent là-bas, ça tournait autour des discuteurs, les disputes, des disputes, quand ils se rassemblaient. L'apôtre Paul dit qu'il en croit en partie. Continuons, mon frère. Alors, il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels oui. au milieu de vous. Voilà. Lors donc, vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Attends, d'abord. Attends. Le frère qui a posé la question tout à l'heure là, par rapport à ça, parce qu'il veut lui parler, qui a posé le frère Alain. Donc, le frère Alain, dans ce verset-ci, il est question là que l'apôtre Paul de réitérer en disant que lorsque vous réunissez, c'est que mon grand frère vous l'a dit, il dit, vous ne vous rendez pas compte que quand vous réunissez, c'est pour le repas du Seigneur. Il a dû attirer l'attention, parce que la façon qu'on a écrit ici en français, ce n'est pas le son avec lequel il a écrit. Il a dû lui dire, ne vous rendez-vous pas compte que lorsque vous rassemblez pour le repas du Seigneur, il est question d'une certaine table particulière dont il faut faire attention. C'est ce qu'il a dû vous dire. Il dit, lorsque vous réunissez, l'un se met à manger son propre repas tandis que l'autre a faim alors que les autres sont ivres. Vous voyez ce qu'il a de dire, n'est-ce pas? Donc, ce passage nous montre que, ce passage est le suivant, nous montre qu'on est en train de traiter de la célébration du repas du Seigneur. Il n'est pas question de la célébration de la Pâque juive, de la Pessa. Il est question du repas du Seigneur. Maintenant, si vous ouvrez Marc chapitre 14, gardez le doigt dessus dans ce livre de 1 Corinthiens 11, d'accord? Ouvrez votre Marc chapitre 14, je ne connais pas quelle version vous avez, mais on va voir quelque chose maintenant. Si vous y êtes maintenant, si vous êtes en vidéo, mettez-moi la main que vous avez trouvé déjà. Comme vous savez, je parle, je dis ce qu'il veut dire. Ok, le frère Osvald, elle est à Marc 14, qui est encore. Le couple Ophélie, là, il se concerte là pour voir s'ils sont déjà à Marc 14. Entre temps, le frère Pierre se cherche. J'attends. Donc, si vous êtes là, vous me laissez seulement la main, je vais vous montrer quelque chose. Ok, le frère, beaucoup de personnes ne voient pas beaucoup de vidéos ici. Je crois que c'est ma connexion qui allait les déranger. Bon, si vous y êtes maintenant. Maintenant, frère Osvald, puisque ta connexion est bonne là, regarde au-dessus du verset 12 dans ta version. Au-dessus du verset 12. Qu'est-ce qui s'écrit? La célébration de la Pâque et institution de la Sainte Seine. Amen. Voilà. Donc chacun de vous, vous pourrez. Donc, amen. Les autres, lisez un peu ce qui est écrit dans votre version. Je ne sais pas ce que vous avez au-dessus du verset 12. Le frère Pierre veut parler. Voilà, l'institué. Comme titre, en fait. Ouais. Oui, voilà, comme titre. Au-dessus du verset 12. Chez moi, c'est la dernière Pâque. La dernière Pâque. Chez moi, c'est la dernière Pâque. La dernière Pâque. Qui d'autre a encore une chose au-dessus de son verset 12, du chapitre 14 de Marc? Au folie, vous êtes là? Mm-hmm. Qu'est-ce qui est écrit chez on vous? Est là. Parce qu'on recherche, parce qu'on n'était pas dans Marc. Oui, c'est ça qui est dit que vous étiez en concertation tout à l'heure. Tiens. Chapitre 12. Vous entendez, non? 14. Moi, vous entendez, non? 14. En fait, moi, c'est écrit la dernière Pâque. La dernière, pardon. Même chose comme chez le frère Pierre. Oui, qui d'autre? Il attend que le frère, le couple Ophélie nous dise. Marc 14. Marc chapitre 14, le verset 12. Le verset 12, tout juste au-dessus, il y a un résumé. Il y a un titre. C'est la dernière Pâque. La dernière Pâque. Donc, vous voyez, pour le frère Osvald, c'est écrit célébration de la Pâque et institution de la Sainte-Seine. Parce que vous remarquez, regardez encore le verset 1, frère Osvald. Maintenant, lis-nous le verset 1 du chapitre 14. La fête de Pâque et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Parce que c'est deux. Merci, c'est bon, frère. Donc, la fête de la Pâque et des pains sans levain devait avoir lieu 2 jours après. Donc, le jour où ils ont 2 jours devant eux, la fête de la Pâque et des pains sans levain devait commencer. Parce que la fête de la Pâque annonce le début de la fin de la Pâque, des pains sans levain. Vous comprenez, n'est-ce pas? Parce que la fête des pains sans levain, c'est durant 7 jours. au courant duquel il y a des grandes fêtes, il y a des sabbats, donc des repos solennels avec des trompettes. D'accord, mes frères? Alors, maintenant, il dit que ça devait avoir lieu deux jours. Le Seigneur Jésus va donc envoyer, si vous lisez à partir du verset 14, verset 14, qu'est-ce que ça dit, frère? Verset 14. Quelque part qu'il entre, dites au maître de la maison, le maître dit, où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples? Donc Jésus-Christ est en train de célébrer la Pâque, le type de la Pâque qui, exactement, qui était dans l'Ancien Testament. Maintenant, et c'est au courant donc de cette Pâque de l'Ancienne Alliance qu'il va mettre maintenant la solennité et présenter ce que nous devrons célébrer, sachant que ce que nous devons célébrer est l'image exactement de ce qui est là-bas. Donc, il se trouve donc que la célébration que nous avons à faire de la commémoration de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ se trouve incrustée exactement à la même période, de l'ancien Pâques. Et ça, on se comprend là. Vous m'avez suivi? Il s'est passé la connexion. Amen. Non, on te suit bien, mon frère. Oui. Parce qu'il y avait aussi une question du mois. Du jour. Ne vous inquiétez pas, on va venir. On va venir. C'est ce que les gens. On va toucher tout cela. On a suivi, mais on n'a pas bien compris. Ok. On n'a pas bien compris. Ok. Suivez attentivement donc. Si vous lisez Exode chapitre 12, n'est-ce pas? Exode chapitre 12, la Bible déclare, je crois que la connaissance est dérangée. Et s'il arrive que vous ne me l'entendez pas, vous faites-moi seulement signe, d'accord? Donc, si vous lisez Exode chapitre 12, le frère Alain, tu as levé la main, c'est bon? Vous m'entendez? Ok. Allons dans Exode chapitre 12, prenez Exode chapitre 12, voir. Exode chapitre 12, voyons quelque chose, je vous montre. Ta connexion, si je ne sais pas ce qu'elle veut là. Exode le chapitre 12. On y va. Verset 1 et 2. 1 et 2. Lisons le frère Olvard. Verset 1 et 2 d'abord. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro là, ça dérange. Oui, recommence mon frère Olvard. Ils ont refermé. Merci. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays de l'Égypte. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Ok. Donc, là, il est question de quel mois? De janvier, papa. Applaudissez pour elle. C'est qui a parlé comme ça? Vous allez me tuer sur la tête. Ça, c'est le mois d'Abib. Ça, c'est le mois d'Abib, le mois des épis. Il s'agit du mois des Nissan ici. Le mois des épis. Non, c'est le premier. Oui, papa. Comment? C'est quoi le mois des épis? Mais c'est le mois des récoltes, non? Comment tu veux que les épis, okay. Épis de maïs, épis de maïs, ou on récolte de maïs? Ok. Ah, il faut m'expliquer. Moi, je ne connais pas où. On va revenir sur les calendriers et vous allez remarquer que dans l'un des mois juifs, lorsqu'on va voir de la perversion des cultes divins, vous allez voir effectivement que l'un des mois juifs, c'est le mois de Tammuz. Et Tammuz, c'est une divinité païenne qui se trouve dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 8, le verset 14, où on parle de Tammuz, où les anciens d'Israël pleuraient Tammuz étant dans leur maison. Mais là, restons ici. Là, je suis en train d'aller doucement. Il est ici parlé de l'institution du calendrier divin, n'est-ce pas? Parce que, remarque bien, dans le livre de Marc au chapitre 14, nous venons de lire que la Pâque, de la période de la fête de la, pain, de la Pâque et du pain sans levain avait lieu dans deux jours. Ici, dans Exode, nous voyons l'institution. Donc, si longtemps après, même quand à la venue du Seigneur Jésus, il connaissait que dans deux jours, il y aura telle fête, ça se peut qu'il connaissait le calendrier, pas vrai? Le bon sens voudrait qu'il connaisse le calendrier des événements. Puisque s'il ne connaissait pas le calendrier des événements, il ne peut pas savoir comment les choses devaient arriver. Dans le livre de Luc au chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, on voit que Jésus lui-même va au temple avec ses parents pendant la fête de la Pâque, où tout le monde quittait pour aller à Jérusalem. Au point où il s'est égaré là-bas, il allait dans le temple. Vous vous souvenez de cet événement, n'est-ce pas? Ses parents montaient chaque fois. Dans Jean au chapitre 7, j'espère qu'il ne va pas vite là. Dans Jean au chapitre 7, l'on nous explique, si vous regardez la fête des tabernacles, durant laquelle les Juifs passaient 8 jours dehors par la fête des huttes, Jésus qui s'est tenu là-bas pendant la fête, le dernier jour, parce que c'était 8 jours, le dernier jour de la fête, au chapitre 7, le verset 37, il dit que celui qui a soif vient et moi et boire. Pourtant, il a parlé comme ça là. Vous savez que c'est de la fête dont il a parlé. Et c'est la fête donc de la libération, de la fête du besoin, de la soif pour chercher le Seigneur. Et là, le Seigneur dit que si quelqu'un qui a soif maintenant vient et boit, si quelqu'un croit en moi, les eaux, les fleuves de vie couleront de son sein, comme dit les Écritures. Mais c'est le dernier jour de la fête qu'il a dit. Or, cette fête-là, ça se passe en hiver. D'accord? La Bible déclare que cette fête-là, vous avez moi, mes frères. Amen, mon frère, amen. Voilà. Donc, je recommence encore pour ne pas aller dans tous les sens. Dans Marc 14, il est dit, la fête de la Pâque et des pains sans levain a lieu dans deux jours. Jésus leur dit, vous savez. Donc, vous allez connaître le calendrier. Vous savez que cette fête a lieu dans deux jours. Vous voyez? Et au verset, donc, le verset 12 et suivant, la Bible dit qu'allez donc dans la ville, vous allez voir quelqu'un, dites où est la place où il va manger. Parce que ce sont les gens, ils se préparaient. Donc, ils connaissaient le calendrier. Tout comme on connaît le calendrier maintenant. Si je vous dis, retrouvons-nous mardi, vous n'allez pas commencer à regarder. Parce que par rapport à notre calendrier que nous avons institué, nous savons effectivement que mardi, c'est dans tel nombre de jours. D'accord? Alors, donc, eux, ils savaient ce calendrier. Et c'est le calendrier. Vous voulez, vous allez à la genèse du calendrier que Dieu leur avait donné. Et c'est ce calendrier-là qu'ils avaient suivi jusqu'à ce que Jésus a suivi sur la terre. Donc, maintenant, continuons avec le calendrier. Verset 3 suivant. Allons-y, dans Exode 12. Verset 3. Oui. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le deuxième jour de ce mois, on prendra... Un frère. Le dixième jour. Oui. Le dixième jour de ce mois, voilà. On prendra un agneau pour chaque famille. Stop. Un agneau pour Stop. Chaque maison. Stop. Nous sommes là le 10 Nissan, n'est-ce pas? A1. Nous sommes d'accord. Et il dit, là, ce qu'il a envie de dire, d'après ce que nous disons dans ces exos, quand ils veulent mettre en pratique la première institution, c'est la première fois qu'ils veulent faire cela, nous sommes dans Exode 12. Il a envie de leur donner le début du calendrier. Maintenant, il dit, le mois des épis, c'est-à-dire que le mois des épis, le mois de Nissan, si vous voulez, le mois de Nissan est pour vous le premier mois de l'année. Il dit donc, le dixième jour de ce mois, donc le 10 Nissan, en un de Moïse. Donc, quand Dieu a institué cela, n'est-ce pas, frère? Il dit donc, dans ce jour-là, donc ce dixième jour, qui s'attelle à préparer déjà l'agneau pascal. D'accord? On y va, continuons. Verset 4. Oui. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son propre voisin. Son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Verset 5. Ce sera un agneau sans défaut. Oui. Mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Un chevreau. Voilà, vous voyez effectivement que, remarquez très attentivement, je crois que quand vous lisez, vous voyez. Maintenant, regardez depuis le moment où la persécution, parce que quand vous lisez dans ce livre de Actes des Apôtres, enfin, dans le livre de Marc au chapitre 14 là, on dit que les souverains sacrificateurs se sont déjà concertés comment faire pour saisir Jésus. De chercher comment attraper déjà l'agneau pour garder, n'est-ce pas? Vous avez moi. Amen. Ok, maintenant, et ça a lieu dans deux jours. Maintenant, dans ces versets-ci, on va nous expliquer maintenant comment on va faire. Parce que si vous tuez un mouton ensemble, peut-être vous pouvez être deux dans la maison, on ne peut pas finir. Dans ce cas, invitez les gens qui sont près de vous, qui sont les juifs comme vous, pour que vous mangez. D'accord, frère? Maintenant, puis il va dire quoi? Il va dire qu'on va garder cet agneau-là, du 10e jour qu'on l'a pris, jusqu'au 14e jour. Regardons, continuons, frère. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Ça va, c'est bon. On peut commencer à expliquer maintenant. Vous avez remarqué maintenant, allons-y doucement, mais tout en gardant, maintenant dans la tête, je vous en supplie au nom du Seigneur Jésus-Christ, tout en gardant qu'un jour consiste en un soir, un matin. Pas un matin, un soir. Je veux que ça soit d'abord clair. Si c'est clair, on va avancer. On y va. Donc, ça veut dire qu'un jour, c'est une noisseur, une clarté. Pas un matin, un soir. Parce que depuis la Genèse, il est dit, il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce fut jour 1. Donc le jour est compté de nuit à jour, nuit à jour, nuit à jour. Pas jour et nuit, jour et nuit. On s'est bien compris déjà là. Ok. Maintenant, ici il est dit que la Pâque, souvenez-vous, j'ai déjà expliqué le fait que la Pâque c'est l'agneau. L'agneau pascal, si vous voulez. La chèvre qu'on a attrapée pour immoler, pour tuer. Immoler, ça veut dire qu'on égorge. On devrait l'égorger pas avant le 14e jour. Et ça doit se faire entre les deux soirs. Vous y êtes, vous avez moi. J'espère que la connexion soit me permet de parler. Vous m'entendez, frère? Amen. Allons-y, regardez bien. Si vous me voyez, je vois seulement le fier, prier, prier. Faites votre main comme ça, les cinq doigts. Voilà, les cinq doigts, voilà tout le monde. Allons-y, dites 14. Mais faites 14 en baissant le doigt. 14. Répétez seulement 14. 14. Oui. 14. 15. 14. Hein, mon père. Qui a encore ça? Bon, recommençons alors. 14. 14. 15. 15. 16. 16. 17. 16. 17. 18. 17. C'est grave. 18. 18. 19. 19. 19. 20. 20. Voilà. Nous avons combien de jours ici? 7 jours. Voilà. Donc vous voyez que en réalité, donc du 14e jour au 21e jour, c'est les 7 jours de pain sans levain. Vous avez moi? Amen. Okay. Amen. Et le premier de ces 7 jours de pain sans levain est appelé la Pâque. Donc la période de la Pâque et des pains sans levain se trouve donc englobé. Vous comprenez? Donc, amen. Le 14 jour, le 14, le 14e jour, et le 14e jour de Nissan, c'est le premier jour des fêtes sans, des pains sans levain, et c'est la Pâque. Vous y avez moi? Amen. Voilà. Donc, ça veut donc dire que l'agneau doit être, d'après ce qu'on a lu là-bas, l'agneau doit être immolé entre les deux soirs du 14 et du 15. Entre les deux soirs, n'est-ce pas, frère? Ok. Il ne sait pas si la connexion permet qu'on travaille là. Je vais vous expliquer ceci. Vous m'entendez? Ok. Voilà. Parce que je ne vous vois pas, je vois seulement le frère Oswald, mais son image est crispée. Tout ça, il faut me rendre compte que vous allez me suivre. Vous n'êtes pas. C'est bon. Ok. Voilà. Donc. Quand on dit entre les deux soirs, quand on dit par exemple entre les deux soirs, on sait que 18h, c'est la fin de la journée et le début du soir. Pourquoi on dit entre les deux soirs, en fait? Tu vois, tu as pris deux repères différents. Tu as pris le repère juif et le repère païen. Tu dis 18h, c'est le début de quoi? C'est pour ça qu'il dit que gardez-vous à l'esprit que c'est, le jour, c'est le soir au matin. Le soir au matin, pas le matin au soir. Parce que, tant que vous ne comprenez pas ces choses-là, ça va embrouiller là maintenant. D'accord? Voilà. C'est pour cela que quand le Seigneur va envoyer ses disciples préparer. Comment? Il y a quelqu'un qui parlait. C'est le chez le CG. C'est chez Patou. C'est partout, c'est le micro de partout qui est ouvert. Frère Patou. Et à Véry Châtillon et Marcel aussi, les micros sont ouverts. Chez la soeur, j'aimerais que le micro de le frère Oswald reste ouvert et le micro chez Ophélie et de chez. Pour que ça reste ouvert, pour que je leur parle, parce que c'est de là viennent les questions. Le micro, voilà, je crois que c'est bon. Du côté de Véry Châtillon, chez la soeur Marceline également, ferme le micro. Voilà. Maintenant, écoutez très attentivement. Nous, je suis en train d'expliquer quelque chose. La fête des pains sans levain, je crois que ce serait été bien que nous allions lire cela dans les Saintes Écritures pour que vous voyez. C'est pendant 7 jours que ça se trouve. D'accord? Ouvrons le livre de Lévitique. Amen. Regardez le livre de Marc chapitre 14 là. En, Marc chapitre 14 là en tête. Lévitique, Exode, Lévitique, chapitre 16. Notez au chapitre 16 et au chapitre 25 aussi. Nous sommes sur le chapitre 23. Voilà. Alors, prenons le chapitre 23 principalement. Le frère Osvatu hier, je crois que les frères vous m'avez entendu. Donc, j'ai dit Lévitique, chapitre 16, chapitre 25 et chapitre 23. Donc, prenons le chapitre 23 de Lévitique. Frère Osvatu, lis-nous le... Je crois que ce serait bien que tu lises. À partir du verset 1, allons-y. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez sont la sainte convocation. Voici quelles sont mes fêtes. Donc il va désigner les fêtes. Il doit lui-même désigner ses fêtes. D'accord, on va les nommer ici. Allons-y. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. Oui. C'est le sabbat de l'Éternel. Amen. Dans toutes vos demeures. Voilà la première. Ce sont les fêtes quotidiennes, hebdomadaires des sabbats. Donc les samedis comme ça, n'est-ce pas? Allons-y. Verset 4. Voici les fêtes de l'Éternel. Les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Dans ces fêtes-là doivent se célébrer au temps fixé, n'est-ce pas? Amen. Donc, vous voyez que si c'est fixé et qu'on ne connaît pas le calendrier, il n'y a pas un calendrier connu, on ne pourrait pas savoir quand ça se manifeste. C'est pour cela que dans Exode, il a d'abord pris soin de lui donner le calendrier, le début du mois, pour que le décomptage puisse être possible. Continuons. Verset 5. Le premier mois, le 14e jour du mois, entre les deux soirs, ça sera la Pâque de l'Éternel. Voilà, attends. Donc nous comprenons que le verset 5 dit le premier mois. On avait vu dans Exode chapitre 12, verset 1, que ce mois-ci sera pour vous le premier du mois, n'est-ce pas? Et dans l'explication de Exode 12, on a vu effectivement, là il était de l'héritage concernant l'agneau, comment il faut faire, comment les familles doivent le célébrer. Et là-bas, il nous avait dit, au 10e jour, on devait prendre un agneau, ce sera un agneau d'un an. On peut prendre un agneau bien un chevron. Il dit qu'on va garder ça jusqu'au 14e jour, on va l'immoler entre les deux soirs. Ici, de façon spécifique, il dit le premier mois, donc le mois d'Abib, ou encore le mois de Nissan, est le 14e jour de ce mois. Donc le 14 Nissan, c'est entre quoi? C'est le mois entre les deux soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Donc le 14, entre le soir de 14 et 15, du 15 du lendemain, c'est la Pâque se célèbre dans cet intervalle-là. Et mais le soir, allons-y, verset 6. Verset 6. Oui. Et le 15e jour de ce mois, ça sera la fête des pains sans levain en l'honneur de l'Éternel. Donc, c'est bon. Vous mangerez pendant 7 jours des pains sans levain. Voilà. Donc, remarquez bien. Donc, la Pâque se célèbre entre le 14 et le 15. Et quand, comme la Pâque est en train de finir, c'est le début de la fête des pains sans levain. Donc, du 14 au 21, ce sont des fêtes de l'Éternel. C'est bien compris, mes frères. Amen. Jusque-là, c'est compris, n'est-ce pas? Voilà. Allons-y. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Oui. Vous ne ferez aucun œuvre servile. Stop. Donc, ça veut dire... Attends, frère. Dans un autre enseignement, j'avais parlé du fait que le Seigneur Jésus ne soit pas ressuscité un dimanche, comme on est en train de voir, comme on s'élève là. Et que les gens ne comprenaient pas de quoi il est question, parce qu'on dit qu'il est mort, il y avait un sabbat. Parce que la Bible déclare dans le livre de Matthieu et Jean que comme la fête était proche, on ne voulait pas que les corps restent debout pendant la fête des sabbats, pendant le sabbat, parce que c'était le sabbat. On est allé regarder qu'il faut briser le pied. Jésus était déjà mort et on a enlevé ce pied afin de son corps pour déposer dans le tombeau afin que ça accomplisse selon l'écriture qu'aucun de ces os ne sera brisé. Et quand les gens lisent comme ça, ils ne se rendent pas compte qu'en réalité, les jours de cette fête-là, c'est suivi, il y avait des sabbats. Regardez ce qu'il dit ici dans ce verset. Ça dit, le premier jour, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre civile. Chaque fois que vous allez voir ces expressions dans les Saintes Écritures, sachez qu'il est question d'un sabbat qui est annoncé. Donc, il y a plusieurs types de sabbats dans les Saintes Écritures. Et donc, maintenant, vous voyez effectivement qu'entre les sabbats, Jésus est mort, il y avait un grand sabbat et un sabbat hebdomadaire. Je sens que vous suivez. Maintenant, il dit donc, le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Donc, ça veut dire que après la Pâque, le jour qui vient par la suite, là, c'est un sabbat. N'est-ce pas, mes frères? Amen. Ok. Donc, ce jour-ci est indépendant des jours. Donc, ça peut tomber mardi, mercredi, jeudi. Or, remarquez bien que ça a commencé à partir de verset 3. Le verset 3, il dit, on travaillera 6 jours. Mais le septième jour est le sabbat. 6 jours, c'est le samedi, c'est fixe. Pourtant, les fêtes de l'Éternel, les fêtes là peuvent varier selon le jour qui tombe dans le calendrier. C'est parce que c'est un calendrier lunaire. Maintenant, il dit ici que le septième jour, enfin, le premier jour, vous aurez une sainte convocation, vous ne ferez aucune œuvre civile. Donc, c'est un appel solennel. Comme on va se reposer de son œuvre, on entre dans le repos, donc c'est un sabbat. Ça veut dire qu'après la Pâque, vient un sabbat. Ça commence la période de fête pain. Bon, écoutez bien. Le premier jour des pains sans levain, c'est un sabbat. Le dernier jour, c'est un sabbat. Je crois que c'est clair que possible là maintenant. Vous avez compris, mes frères? Amen, mes frères. Amen. Voilà. Donc, pendant les sept jours des pains sans levain, le premier, c'est un sabbat. Le dernier, c'est un sabbat. Regardons le verset 8. Vous offrirez à l'Éternel pendant sept jours les sacrifices consommés par le feu. Le septième jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Donc, c'est le premier jour dont on a dit ces choses-là. Il y a cette formule. Et le septième jour, il y a cette formule-là. D'accord, mes frères? Alors, donc, vous voyez que en réalité, le premier jour, c'est le sabbat. Le 15, c'est un sabbat. Le 21e, c'est un sabbat. C'est bien compris, frère? En tout temps, il y a le 14 qu'on a célébré la fête de la Pâque. Toutes ces choses ont besoin d'explications. Si on ne explique pas pour que ça soit stable dans la tête des gens, on ne peut pas savoir ce qui se passe. Maintenant, gardez-vous à l'esprit qu'il est question qu'on immole l'agneau entre les deux soirs. Et le 14 commence au soir, n'est-ce pas? N'est-ce pas, mes frères? Amen. Voilà. Amen. Maintenant, allons dans Marc chapitre 14 encore. J'espère que les frères partout sont connectés, ils sont en écoute ceci. D'après ma révélation, qu'on a dit que c'est une fois. Je suis connecté pour faire. On arrive là. Regardez encore, verset 1, je vais lire. La fête de la Pâque et des pains sans levain devait avoir lieu deux jours après. La fête de la Pâque et des pains sans levain. Vous voyez cela? Donc il y a la fête de la Pâque qui est seule. La Pâque est seule parce que la Pâque, c'est le 14, le 15. Le 16, le 17, le 18, le 19, le 20, le 21, c'est la fête, c'est les 7 jours où on célèbre la fête des pains sans levain. Durant ces 7 jours-là, on ne doit pas avoir, comme si vous disiez, vous prenez le temps de lire ces fêtes dans le livre de Lévitique, chapitre 23, il est question de ne pas trouver du levain, qui est le symbole du péché, des faux enseignements dans la vie des gens, pendant les 7 périodes de l'Église. Alors on arrive ici, regardez, il est dit, regardez, on peut y aller. Verset 12, Amen. Je vais lire le verset 12 maintenant, regardez bien. Le premier jour des pains sans levain. C'est pour ça que c'est très important que vous compreniez la notion du soir et matin. Parce qu'on a dit que la Pâque devait être immolée entre les deux soirs. Entre les deux soirs, c'est-à-dire les deux soirs du 14 et du 15. Ça doit se trouver dans cet intervalle-là. La Pâque doit être immolée. Maintenant, on dit le premier jour des pains sans levain. Où l'on immolait la Pâque. Vous avez vu cela, n'est-ce pas? Le premier jour où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus lui disent, où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? On immole la Pâque. Immoler, ça veut dire qu'on coupe le cou comme ça. On coupe le cou. On peut couper dans la journée. Remarquez bien dans la journée donc de 14. Parce que ça passe dans la nuit du 15, du 14, va envoyer, quand la journée va tomber, ça va tomber directement au 15. Vous avez compris maintenant entre les deux soirs, n'est-ce pas? Donc, là, dans la journée, on coupe le cou, si vous voulez, on fait les préparatifs, Les disciples disent, où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Et il envoya deux de ses disciples, il dit, allez dans la ville, il a dit toutes ces choses-là. Maintenant, la Bible déclare, verset 16, les disciples partis, arrivaient à la ville et trouvaient les choses comme il leur avait dit, et ils préparaient la Pâque. Donc là, la Bible nous enseigne, qui sont partis, ils ont tué ce qu'il fallait tuer, préparé ce qu'il fallait préparer, ils ont mis tout dans la chambre haute, ils attendaient que l'heure arrive. N'est-ce pas, mes soeurs? Verset 17 dit, le soir étant venu, il arriva avec ses disciples. Donc là, on a déjà préparé, on a déjà tué la chose en journée. Le soir, tout est, les préparatifs sont là, la table est dressée. Il est venu donc le soir. Donc la Bible déclare, le soir étant venu, il arriva avec ses disciples, les 12, pendant qu'il étaient à table et qu'ils mangeaient. Donc, ils ne pouvaient pas venir à table et cela, ils devaient tuer le mouton. n'est-ce pas, mes frères? Ils venaient manger le mouton qui avait été préparé en journée. Et on a gardé cela jusqu'à ce que le soir soit arrivé. C'est pas ça, mes frères bien-aimés. Et vous voyez le type parfait du Seigneur. Le type parfait du Seigneur. Et vous savez à quelle heure il est mort, n'est-ce pas? Il a pris, on l'a malaxé entre Hérode et ce Caïphe. Entre le soir, c'était interrogé par-ci, balancé par là. L'agneau était en train d'être immolé. Maintenant, remarquez bien là où on le met. On le met à la croix. Et vers quelle heure il expire, frère? Vers 6 heures du soir, frère. Avant le coucher du soleil. Pardon. Vous êtes trop fort. Vous êtes très bien. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse vraiment. Amen. Et la Bible déclare que lorsqu'il a crié, il avait sa matinée. Après avoir fait cela, il a dit que j'ai soif. On a mis les choses là dans son esprit. Il a rendu l'esprit. Et quand il a rendu l'esprit, la Bible déclare quoi? Que le ciel s'est ensombri, le tout des trucs et les temples, tout s'est déchiré là-bas. Il y a eu les ténèbres sur la terre, l'éclipse pendant près d'une demi-heure. C'est pas cela? Amen. Ok. Bon, maintenant. Allons-y doucement, encore une fois de plus. Christ, le Seigneur, a été saisi dans la nuit où il célébrait la Pâque, entre le 14 et le 15, n'est-ce pas? Et c'est dans cet intervalle qu'il a été immolé, n'est-ce pas? Dans cet intervalle-là. Amen. Voilà. Amen. Donc, Christ, notre Pâque, a été immolé. Mais maintenant, voici une chose. Dans la soirée où il est là, le mouton se trouve là-bas. Le mouton physique qui est censé représenter là, se trouve là en personne. L'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Dans le verset, chez le frère Oswald tout à l'heure, j'ai dit au verset 12 là en haut, le titre, il a parlé des célébrations de la Pâque et institution de la Sainte Cène. Il parle de l'institution, c'est-à-dire l'instauration. La mise en fondation, la mise de condition, du but des repas du Seigneur. Et la Sainte Cène, ça veut dire Cena, Cena, pour ceux qui sont d'Italie, Cena, ça veut dire le repas du soir, le souper. Autrement dit, et l'institution du souper. N'est-ce pas, mes frères? Donc, la Pâque, avec son essence spirituelle, est restée identique et dans l'Ancien et dans la Nouvelle Alliance. Mais la façon de célébrer donc a changé parce que Jésus a institué quelque chose et il a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Le commandement « Faites ceci en mémoire de moi » dit qu'on fait ce que Jésus a institué, n'est-ce pas? Parce qu'il célébrait la Pâque, parce que la Pâque était une image de ce que Christ Jésus devait faire. Et durant ce moment-là, parce que les Juifs commémoraient la Pâque pour se souvenir de la délivrance de leur souffrance en Égypte, n'est-ce pas, frère? Et de leur protection par le Seigneur. Nous célébrons parce que cette souffrance et cette persécution-là en captivité, c'est le type de péché qui entoure l'humanité. Ça, c'est le type de cela qui était annoncé. Et c'est par le sang de Jésus-Christ que nous croyons être sauvés, effectivement. Et la délivrance du péché a été accordée par le sang de la croix du Seigneur Jésus. Et donc, le Seigneur Jésus dit, instaure donc la célébration de la Pâque, enfin, du repas du Seigneur, comme les Bibles l'ont dit dans le titre, pour montrer aux chrétiens. Il a dit que faites ceci en mémoire de moi. Et dans 1 Corinthiens 11, comme nous allons lire tout à l'heure, il dit, toutes les fois que vous ferez ou célébrez ceci, vous annoncerez ma mort jusqu'à ce que je vienne. Donc, par conséquent, si quelqu'un dit qu'on ne doit pas célébrer, il est totalement à côté de la plaque. Parce que Jésus dit, on le fait chaque fois jusqu'à ce qu'il vienne. Il a institué cela. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc, commémorez ceci. Donc, c'est l'anniversaire de la mort du Seigneur Jésus-Christ que nous célébrons. N'est-ce pas, mes frères? Amen. Voilà. Ayant compris maintenant, allons-y. Non, on a compris ici, le moment où ça s'est passé. Ça se passe les 14. 2. On a suivi la période où ça s'est passé. Ça s'est passé exactement dans le mois d'Abib, dans le mois de Nissan. Ça tombe généralement entre mars et avril, et pas plus. Ce n'est pas cela. La deuxième chose maintenant, la troisième chose que nous allons voir maintenant, c'est qu'on va regarder donc comment ça s'est passé, comment l'Église a célébré cela. Rentrons dans 1 Corinthiens 11. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, peuple de reine. Amen. Amen. C'est un peu comme ce sujet de Saint-Esprit, c'est un peu comme les gens. Il y a des personnes qui disaient que non, comme on a reçu le Saint-Esprit, je ne sais pas quel signe de Bible on lit dans ce 21e siècle. D'autres personnes disent non, comme j'ai reçu le Saint-Esprit, vous avez le Saint-Esprit, vous n'avez plus besoin des baptêmes d'eau. Le baptême d'eau, c'était pour les Juifs. Ah bon? En tout cas, toute la Bible, c'est pour les Juifs. Qu'est-ce que vous en dites? Pendant qu'on est hier, 1 Corinthiens 11, donc. La Bible est claire, le salut vient des Juifs. Donc, si vous avez n'importe quoi, vous avez hérité ça des Juifs. Amen. Remarquez ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit que les païens, quand il parle dans 1 Corinthiens 11, enfin 1 Corinthiens chapitre 16, dans Galates chapitre 6, dans Romains chapitre 15, en parlant de la collecte en faveur des saints de Jérusalem, et l'apôtre Paul explique quelque chose. Il dit que les païens, expliquant les païens, ont eu part aux bénédictions spirituelles des gens, des juifs, des juifs. Il dit qu'ils les devaient bien. Si les juifs, ceux d'Israël, prennent leurs bénédictions matérielles, ils les devaient. Parce que ça veut dire que le salut est venu spirituellement des juifs pour aller chez les païens. Ok, ils ont aussi bénéficié aussi de leur part. Suivez ce que mon grand-père dit là. Donc si quelqu'un veut dire n'importe quoi, vous voulez dire n'importe quoi des écritures, vous devez être issu des juifs. C'est issu des juifs, n'est-ce pas? Parce que Dieu lui-même a dit qu'il a instauré Israël sur la terre pour implémenter ses lois et ses commandements dans le cœur, afin qu'on sache qui il est. Donc c'est par les juifs. Le salut vient des juifs. Alors donc, ce n'est pas une tradition juive déjà pour commencer des baptêmes, parce que ce n'est pas leur tradition. Parce que Jésus a posé la question à ces juifs-là justement, que le baptême des gens venait de qui? S'ils avaient eu à baptiser avant, ils devaient dire que non, nous baptisons depuis. Ils n'ont jamais eu cela. Parce que Jean-Baptiste a dit que celui qui m'a envoyé baptiser d'eau a dit celui sur qui tu verras le Saint-Esprit descendre. Parce que ça veut dire qu'avant que Jean-Baptiste ne vienne, on ne baptisait pas, n'est-ce pas mes frères? Donc le baptême, ce n'est pas un commandement juif, c'est un commandement de Dieu. Alors, nous étions dans 1 Corinthiens chapitre 11. Et là, tout à l'heure, nous avons lu, j'ai dit que nous lisions au verset 17, il parlait de l'autre. Quand vous vous assemblez, pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et il dit qu'il faut qu'il reste parmi vous, et j'en crois en partie. Et là, il dit maintenant, continuons dans verset 20, mon frère. Verset 20 du chapitre 11 de 1 Corinthiens. Je suis vraiment à l'aise là maintenant, à l'aise vraiment. Verset 20. Oui. Lors donc que vous réunissiez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car. Je continue. La façon dont tu écris en français, ça me dérange. Parce que ce n'est pas l'expression de mon grand frère. Ce n'est pas comme ça qu'il a dit cela. Il dit, lorsque vous vous réunissez, vous ne comprenez pas que c'est pour manger. Vous pensez que ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Donc, c'est un étonnement. Et cet étonnement, c'est pour attirer l'attention. Parce que la façon dont on écrit en français, vous lisez en français et vous ne lisez pas avec le bon ton, vous n'allez pas saisir ce qu'il a dit de vous la dire là. D'accord, frère? Donc, essayons de lire cela avec son ton, voir. Essaye, cherche un peu son ton. Cherche le temps de l'apôtre Paul. Et quand on va le tuer aussi, il avait dit que Paul, tu n'avais, c'est pas ce que tu avais dit. Allons-y. Livre, frère. Lors donc que vous vous réunissez, oui. Ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Bon, c'est un peu ça, c'est proche de l'Ouest, ça. Continue, frère. Mm-hmm. Mm-hmm. Ouais. Car on se met à table, chacun commence. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. Donc vous voyez que le cas qu'il dit effectivement montre que le temps de la lecture des prémices, de ce qu'il a dit, c'est un reproche qu'il a dû leur faire. Vous voyez ça? Le temps, le cas, il a dû justifier ce qu'il vient de dire. Car, il dit que, enfin, parce qu'il a entendu qu'il dit que quand on se met le frère Pierre avec sa femme vient avec le coquille, la sœur Ophélie vient avec la tchéquée et l'autre vient là-bas, enfin, le l'endroit, il se met là-bas. Quand ils arrivent, la sœur Julie pour célébrer la fête. Chacun arrive, il dit que non, le frère Osvaldo, il tarde. Je crois, peut-être il allait à Carrefour, Paché. Il commence à manger, chacun va manger son repas. Paul est en train de vouloir dire cela pour les dénoncer cela. Donc, un, nous avons compris, et tout le monde, nous avons compris ici, qu'il a de les dénoncer. Et là, je veux attirer votre attention du fait qu'il est en train d'écrire, c'est pas aux juifs, mais aux gentils. C'est à l'église de Corinthe, qui a quoi? C'est un port oriental de l'Achaïe là-bas. Maintenant, vous remarquez qu'à la Grèce, vous remarquez qu'ici, c'est un territoire grec, donc ce sont les païens, ce sont les païens. Donc la même chose que le Seigneur a fait avec ses disciples, il a fait aussi avec les païens ici. Ils ont célébré cela. Et dans cette célébration, si Jésus, enfin, Pierre, Paul a leur dit que quand on se met à table, donc il y avait une table, chacun commence à manger pour son propre repas. Donc nous comprenons qu'effectivement, que c'était le repas, n'est-ce pas mes frères? Et on dit ici que chacun commence à manger son propre repas, donc ça veut dire chacun a porté son repas. Et ce n'était pas une obligation, parce que ce qu'on appelle ça agape, les agapes, l'agapé. On amène ça pour que tout le monde mange. Mais à la différence que ça se fait de façon solennelle à une période précise pour commémorer quelque chose. C'est en cela que ça devient la table du Seigneur. C'est dans le sens de la commémoration de façon périodique que ça devient la table du Seigneur. Vous pouvez faire votre table là où vous en avez de manger, mais vous faites votre prière tout ce moment là-bas, tout ce moment pour rendre grâce à Dieu pour le repas. Ce n'est pas la table du Seigneur cela. La table du Seigneur revient quand c'est la commémoration à sa mort et à sa résurrection. N'est-ce pas mes frères? Amen. Voilà. Donc lisons donc. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Stop. Où méprisez-vous l'église de Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, regardez. Il dit, il allait donner le reproche donc à celui-ci. Il dit, vous ne comprenez pas que c'est la table du Seigneur que vous voyez? Parce qu'en réalité, quand vous amenez votre repas, chacun commence à se mettre à quand on se met à table, chacun commence à manger son propre repas tandis que l'autre a faim. Donc, il y a parmi eux des gens qui n'avaient pas la possibilité d'avoir des repas. Quand ils venaient, ils se rendaient compte que certaines personnes mangeaient leur propre repas. Alors, ils restaient tout simplement à table comme ça là. Ils mettaient la main sur la bouche comme la soeur Chrétien a mis là-bas comme ça pour observer que nous sommes venus accompagner les gens ici dehors. Et donc, l'apôtre entend ces choses-là, il fustige leur comportement pour leur dire que ce comportement n'est pas bien. Et puis il a dit, n'avez-vous pas de maison pour y manger? Vous remarquez que ça veut dire le repas que cette personne-ci a, qui vient de chez lui, c'est son repas. Souvenez-vous d'Ananias et Saphira, qui après avoir vendu le champ leur appartenait. Mais à l'instant où c'est arrivé au pied des apôtres du Seigneur, ce n'était plus le leur de n'importe comment. Ils ne devaient plus agir n'importe comment avec cela. Alors, après avoir préparé la nourriture chez soi, après avoir fait tous les courses que vous pouvez faire, préparer, c'est chez vous. Vous voulez manger, vous pouvez manger. Mais lorsque ça aborde l'assemblée solennelle, pour la commémoration, ça ne vous appartient plus en propre. C'est pour toute l'assemblée. Vous m'avez suivi, frère? Vous avez suivi, n'est-ce pas? Parce que là, Paul dit, n'avez-vous pas de maison pour y manger? Or, s'ils mangeaient à la maison, c'était leur propre nourriture. Mais quand ils amènent cela là-bas, à ce repas là-bas, l'apôtre peut dire, faites attention maintenant, désormais. C'est ce qu'il a de vouloir le dire. Il dit, ou bien méprisez-vous l'église du Seigneur. Donc, vous ne comprenez pas les principes de l'église, les fondations de l'église. C'est que c'est que l'église, comment ça doit fonctionner, comment elle doit se réunir, comment elle doit se comporter. Parce que le comportement de l'église, c'est le comportement des gens de la lumière, les gens, le sel de la terre. Le comportement des parfaits, c'est eux qui doivent avoir cela. Vous venez ici mépriser les gens? Que non. D'accord, mon frère. Continuons la lecture. Où méprisez-vous l'église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Voilà. Que vous dirai-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue point. Donc, c'est un mauvais comportement que d'amener son repas et commencer à manger et dire à d'autres qu'il interdit aux autres de manger son propre repas. Donc, un, la célébration de la scène était faite au milieu chrétien. Ici, il rectifiait le tir parce qu'on célébrait cela mal. Et plus tard, quand vous allez lire verset 26 jusqu'au verset 31, il va leur révéler que, à cause de cette mauvaise célébration dans les années antécédentes, beaucoup étaient des paralytiques, sont devenus paralytiques à cause de cela, et beaucoup en sont morts. Donc, il y a eu des morts que c'est Dieu qui a tués au milieu d'eux parce qu'ils ne respectaient pas la table du Seigneur. Je vais vous mesurer le prix avant de vous y approcher. Amen. Frère Seigneur. Oui. Oui, en fait, ce que je ne comprends pas, c'est que dans ma version, il est écrit littéralement « Quand donc vous vous assemblez ainsi, tous ensemble, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son souper particulier et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. Oui. N'avez-vous pas de maison pour manger? Moi, mais quand, par exemple, toi, tu dis non, que là, en fait, à cette partie, c'est il posait la question, alors que là, en non, fait, non, non, pas, non, non, pas, non, non, non, non, j'ai pas dit qu'il posait la question, il dit qu'il allait le fustiger le comportement. Ça dit que ce comportement. Okay, okay. Donc, il a dit que ce comportement, ce n'est pas bien. Comment vous ne comprenez pas? Je sens de parler en langage simple pour que vous saisissez. Il a dit que ne savez-vous pas que c'est à la table, ce n'est que vous venez. Comment pouvez-vous porter votre repas pour venir ici pour faire ces choses au milieu de la table du Seigneur, d'accord? Il n'est pas de poser une question. Il a donné une recommandation pour fustiger ce comportement. Okay. D'accord, ma chère? D'accord, je comprends. Ok, merci. Voilà. Oui, juste pour comprendre. Oui, frère Pierre. Pour comprendre. Donc, en fait, oui, en fait, la sainte qu'on fait, on n'appelle pas ça la Pâque. Ce n'est pas cela qu'on appelle la Pâque. C'est pas la Pâque. Mm-hmm. C'est la fête de la Pâque. Mais Christ est notre Pâque, d'accord? Et la Bible n'appelle pas non plus ça sainte. La Bible appelle ça le repas du Seigneur. Donc, si vous voulez, le langage biblique de ça, c'est le repas du Seigneur. Donc, le repas du Seigneur, ce n'est pas la Pâque. Donc, nous... Que c'est parce que c'est ça qui trouble beaucoup de frères. On se dit on ne fait plus la Pâque. Alors que d'autres non, parlent non. De. Non, attendons, arrangeons ça directement. Que vous l'admettez ou non, vous fêtez la Pâque. Vous fêtez la Pâque, mais vous ne la célébrez pas à la manière de la célébration Ancien Testament. Parce que Christ, on dit clairement que Christ, notre Pâque, a été immolé. S'il a été immolé, on célèbre donc quoi? Et dans ce livre de 1 Corinthiens chapitre 5, vous avez lu le verset 5, il dit célébrons donc la fête. Célébrons donc la fête, non avec des vins, des pains, de la malice, pas vrai? Donc on a des une célébration. Et c'est la Pâque, mais pas la Pâque à la manière des Juifs. D'accord, frère? Parce que lors de cette célébration, il y a eu une institution d'un repas. Et vous voyez que c'est le repas là qui cause le problème ici dans 1 Corinthiens 11, n'est-ce pas? Comment fustiger les gens avec cela? C'est bien saisi, n'est-ce pas? Donc, garde, enlevez à l'esprit que, comme nous sommes dit que nous allons fêter Pâques, c'est à la manière des Pâques des Juifs, comme la sœur Ophélie disait qu'on va prendre le moteur et voilà. C'est pas ça notre question. C'est que dans ce moment-là, la Pâque, ou bien encore le repas du Seigneur, a été célébré et a été institué au même moment de cette même Pâque-là. En tout cas, le repère est donné même à partir de cette Pâque-là parce qu'il a dit, vous savez que ça a lieu dans 2 jours. Et donc, en 2 jours, la Pâque du Seigneur lui-même, donc le Seigneur lui-même sera livré. Et ces 2 jours-là, le jour où il a été livré, donc c'est le 14 Nissan. D'accord, les frères, là? Quoi que la connexion dérange. Voilà. Donc, jusqu'ici. Mais ça veut dire que, ok, au final, en fait, comme moi, c'est pas. Comment, ma soeur? Je demandais, en fait, au. Ok, tu as dit que ce n'est pas comme avant. Du coup, là, maintenant, à notre époque, comment on doit fêter, là? Comment? Donc, permettez que la connexion là se stabilise un peu et puis la sœur Ophélie pose bien la question. Tu m'entends, mon frère? Oui, vas-y, parle maintenant, allons-y. Alors, comment doit fêter la Pâque actuelle, à notre ère actuelle? Je crois que j'ai comme l'impression que vous ne célébrez pas, vous ne suivez pas les enseignements sur Bambéba parce que j'en ai déjà parlé depuis des années et je vais en parler encore ce soir et j'en parle encore, je n'essaierai de parler. Frère Oswald, lisons, continuons dans 1 Corinthiens 11. Là, on s'est arrêté, continuons. Frère Sœur Ophélie, prête toute ton attention maintenant. On était au verset 23. Oui. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Stop. C'est que attends. La Sœur Ophélie et tous les autres. Paul nous renseigne ici qu'il a reçu du Seigneur ce qu'il leur a enseigné. Gardez-vous à l'esprit, il parle aux païens. Gardez-vous vraiment ceci à l'esprit. Il parle aux païens. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que la personne qui en a décrit, c'est 1 Corinthiens 11, n'était pas présent lors de la scène que nous voyons dans Matthieu chapitre 26, Marc chapitre 14, Luc 22 et Jean 13. Dans la célébration de la scène de la Pâque de notre Seigneur, il était question de 12 personnes. 12 de ses apôtres, y compris lui, ils étaient 13 dans la chambre haute, célébrant la fête de la Pâque. N'est-ce pas, mes frères? Amen. Voilà. Donc, s'ils étaient 12 là, et plus lui, le Seigneur lui-même qui était l'officiant de ce jour-là, 13, Paul vient nous expliquer, c'est plus de 30 ans après cet événement, il nous explique qu'il a reçu du Seigneur ce que lui-même il a enseigné. Plusieurs renseignements doivent nous faire vraiment comprendre effectivement que le Seigneur met un accent particulier là-dessus. Il vient de nous renseigner que, après que le Seigneur ait célébré cela, 30 ans plus tôt, après cela il est mort le jour-là, le soir, le jour, il est ressuscité. Il a fait 40 jours sur la terre, s'est montré aux disciples, à 500 personnes plus à la fois. Après, il est monté pour s'asseoir à la droite de la majesté divine. Plusieurs années après, il a appelé Paul dans la lumière, dans les révélations qu'il lui a données, parce qu'il a promis qu'il devait se présenter pour d'autres autres choses. Dans les révélations qu'il lui a données, il lui a expliqué ce qui s'est passé la nuit où il fut livré. Parce que Paul n'était pas là, n'est-ce pas, frère? Paul n'a pas pris de renseignements à aucun des apôtres pour dire, le jour que vous êtes réunis pour faire la Pâque là, qu'est-ce que vous avez fait? Maintenant, nous lisons l'enseignement de Paul. Nous allons lire ce que le Seigneur a dit, ce qu'il a fait. On voit que c'est la même chose. Mais le plus important, c'est que je veux que vous voyez le point. Il dit, j'ai reçu du Seigneur. Donc, le Seigneur lui a enseigné que voici ce que j'ai fait le jour où je fus livré. N'est-ce pas, mes sœurs? Si le Seigneur est revenu sur cette soirée-là, 30 ans après la célébration, vous pensez que qu'est-ce qu'il a dit de vous l'a dit? Un commandement. Il veut dire que c'est important, frère. C'est important pour lui. Alors, ça veut dire non seulement que c'est extrêmement important pour le Seigneur, mais que les disciples enseignent les mêmes choses. Parce que pour ceux qui étaient là présents, Pierre pouvait tout simplement raconter parce qu'il a vécu la scène. Il faisait partie avec lui et Jean de ceux qui sont montés pour aller prendre, voir cette personne qui avait la cruche là, Pierre et Jean. Donc, il connaissait ce qui s'est passé, tout le renseignement qu'il leur a donné. L'institution, ce qui s'est passé, la solennité de ce qui s'est passé, comment ça s'est célébré, ce sont eux qui connaissaient. Donc, s'il y avait quelqu'un à raconter, c'est eux. Mais Jésus revient pour expliquer ces détails-là à Paul, l'apôtre. Vous devez comprendre que, pour montrer que, pour que les disciples que Paul est en train d'enseigner, et que les disciples que Pierre est en train d'enseigner, les autres, quand ils reçoivent l'enseignement, qu'ils comprennent que ça vient du même Seigneur, pour qu'il y ait de l'harmonie, afin qu'ils célèbrent de la même façon. Mais aujourd'hui, Vous voyez, telle église, c'est l'église des rachetés, de ce côté, c'est enseigne, c'est d'une certaine façon. Ils vont se lever pour un lundi. L'église catholique, c'est pour un mardi. L'autre, c'est pour un mercredi. L'autre parle du foléré de Bissap. L'autre parle de la grenadine. L'autre parle de Gandia. L'autre parle de jus rosé. Il nous faut la délivrance, je vous dis. Il nous faut la délivrance. Amen. C'est terrible, terrible, terrible. C'est assez renversé. Et tout le monde fait comme ça. Vous allez voir les sœurs dans les églises. Elles ont les t-shirts blancs. Tout le monde est blanc le jour là. Avec les trucs noirs bien enfilés là. D'autres peuvent faire les salons. Ils font les faux cheveux bien. En suivant noir des délices, ils font bien leur visage pour être bien ce jour là. Tu parles. Et puis ce jour là maintenant, on fait les petits petits visages dans les petits gobelets. Petit petit gobelet, petit gobelet. On prend comme ça. Il y a une sœur là. Celle qui passe avec le petit petit bout de pain. Petit bout de pain. Et prend. Pendant que l'autre prend un bout de pain, il prend un petit truc, il boit. Après, tu lui demandes que ma soeur, qu'est-ce qu'elle allait faire? Qu'est-ce qu'elle allait faire la Sainte-Sainte? C'est la sorcellerie. Ce n'est pas ça que la Bible appelle la Sainte-Sainte. Ça n'a rien à voir. Parce que le simple fait qu'on fait ça en journée montre que c'est de la sorcellerie. Parce que la Bible dit, c'est le soir. Jésus a envoyé ses disciples préparer. La Bible déclare que le soir étant venu, il a attendu parce que le soir soit venu. Quand le soir est venu, il est venu avec ses disciples. C'est pas possible. Souvenez-vous, on parle de l'institution du repas du Seigneur. Institution de la Sainte-Sainte. Sainte-Sainte veut dire le repas du soir, le souper. Le souper ne se mange pas le matin. Pas vrai, frère. À moins que vous dites que on a changé, le langage a changé entre temps. Le souper, le matin, on fait quoi? On déjeune bien, on fait le souper. C'est pas ça, mes soeurs. Le souper, c'est le soir, non? Voilà. Donc, l'heure étant venue. Donc, maintenant, regardez bien que le Seigneur, c'est important pour le Seigneur parce qu'il a demandé à l'apôtre d'enseigner. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Si vous lisez le livre des Actes des Apôtres, chapitre 18, à partir du verset 21, lorsqu'on va vouloir frapper l'apôtre, il va vouloir quitter cette ville de Corinthe, justement. Paul va dire, reste dans cette ville, la personne te fera du mal, car j'ai un peuple nombreux. La Bible déclare qu'il dura presque 2 ans où il enseigna les disciples. Il leur a donné les fondations où Paul, le don spirituel était là. Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Le Seigneur a fait, il a énoncé l'évangile, il a donné la doctrine, et écrit cela. C'est pour ça qu'en sortant de là, il a dit clairement que personne ne peut enseigner une autre chose comme il a enseigné. Parce que c'est parfait, c'est définitif. Alors, si quelqu'un célèbre le repas du Seigneur, si ce n'est pas comme les apôtres ont célébré, il n'est pas en train de célébrer le repas du Seigneur. C'est une autre table. C'est une table étrangère, exactement comme les fils d'Aaron ont amené le feu étranger en plein milieu. Alors que ce qui ne leur a pas été commandé. Si ça n'a pas été commandé, imagine bien que si un être humain a pris l'allumette sur le plan physique, si ce feu-là, allait prendre l'allumette quelque part sur une bougie extérieure du temple, entrer dans le voie pour amener comme ça, pour vouloir allumer le stick de l'allumer du Seigneur. Ça fait boum, ça l'a tué. À cause de la feu qu'il a pris étranger à l'extérieur pour venir allumer. Les êtres humains pourraient tout simplement dire, si c'était nous à juger, on doit dire, non, ça c'est la méchanceté. Le feu, c'est le feu, non? Il fallait seulement allumer, il a seulement pris le feu et mettre là-bas. Où est le problème? On a seulement pris l'importance sur le peur. Qu'on casse avant ou qu'on casse après. Pour le Seigneur, il y a de l'importance. Parce qu'il a dit, faites ceci. Quand il dit ceci, il a dit c'est ce qu'il en est de faire. Faites ceci en mémoire de moi. C'est ceci qu'on doit faire. Si on fait autrement, le catholique prend le gobelet, il met ça à l'intérieur, le chou à l'intérieur. Vous venez comme ça, il choque comme ça, il ouvre ta soupape, tu ouvres, il blague dans le champ. Après, il dit que c'est, il avait célébré le Seigneur. Vous voyez, on a des problèmes. Vous voyez, les églises sont alignées comme ça. Vous entrez ici, c'est le foléré. Vous entrez ici, c'est la grenadine. Ici, c'est le gandia. Là-bas, c'est le vin de messe. Là-bas, c'est le pastis. Là-bas, d'autres bois, c'est quand même terrible. Terrible. Et puis, vous leur posez la question à vous tous, maintenant. Vous faites quoi? Il dit, célébrer la Sainte-Sainte. Est-ce que c'est le Seigneur qui a fait cela? C'est comme ça que le Seigneur fait. Ils vont te demander que non, il ne faut pas trop regarder, être rigoureux sur cela. C'est ce qu'ils vont dire. Vous êtes trop radical. Quand tu plonges tout le gars, ça va vous devenir fou. Vous êtes trop fanatique. Pourtant, Jésus a dit, pourquoi m'a-t-il dit? Non, c'est qu'ils disent qu'on est trop nombreux. Okay. Donc, on ne peut plus faire les choses exactement comme ça. Ok. Donc, quand ils sont nombreux dans une salle, ils dépassent 3000 comme les premiers apôtres, n'est-ce pas? Il y en a qui font les dimanches et d'autres, c'est une fois par mois. Que ça continue, continue toujours comme ça, que Dieu les aide. Donc, on continue pour nous ici. Alors, le Seigneur donc dit que faites ceci en mémoire de moi. Nous sommes dans 1 Corinthiens 11. J'ai sonné d'insister sur le fait que ça fait plusieurs années, près de 30 ans, que l'apôtre Paul a reçu ces choses-ci. Alors que Jésus a fait. Pourtant, c'était nous les humains, on devait dire que non. Ce n'est que l'essentiel. C'est un peu comme les catholiques. Vous voyez, quand on ne veut pas aller baptiser les gens dans l'eau, plonger les gens dans l'eau, ils disent que non, l'essentiel, c'est le symbole. Il faut seulement qu'il y ait l'eau. Où est la philosophie des hommes? Pourtant, Dieu, lui, veut que ça soit à l'intérieur. Un homme dit que non, l'important, c'est qu'il y ait l'eau. Mais vous prenez cette même eau, vous dites que okay, je mets sur tes orteils. Au nom du Père, du Fils, et sur le prochain orteil, le Saint-Esprit sur le troisième orteil, il dit non, c'est pas le baptême. Vous lui posez la question, qu'est-ce qu'il faut verser? Il faut verser, il dit c'est sur la tête. Alors, qu'est-ce qu'il nous donne donc? L'opportunité, ou bien encore, qu'est-ce qui nous institue que c'est sur la terre que ça doit être le baptême? Parce qu'on a déjà dit que c'est comme ça qu'on met pour la première fois la vie comme ça. Ils sont plus astreints à obéir au commandement, aux traditions des hommes, plutôt que le commandement de Dieu qui est là et qui est simple. Simple. Dieu a créé les hommes droits, ils ont cherché beaucoup de détours, des raccourcis. Aller plonger les gens dans l'eau. Non. Et si dans l'eau là, comme ça, c'est sale, il y a la boue, il y a la choléra. Donc Jésus ne connaît pas qu'il y a le choléra dans l'eau avant d'envoyer les gens aller se baptiser. Et si on boit dans la coupe, quelqu'un a la toux, il peut donner la toux à tout le monde. Quand tu passes dans la rue, on touche dans le train là-bas, tu sors du métro. Donc on a des problèmes. Les êtres humains cherchent toujours des raccourcis comme ça pour fuir la parole de Dieu. Mais la Bible déclare que le fondement de sa parole reste debout. Avec cette parole qu'il sort des seaux. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qui se loigne de l'iniquité, il connaît ce qui lui appartient. Ce qui lui appartient obéit. Si quelqu'un aime le Seigneur, il gardera sa parole. C'est la parole que nous devons, c'est sa parole à lui que nous devons garder. Vous voyez cela, frère? Amen. Alors, amen. Donc, Paul dit ici que j'ai reçu du Seigneur. J'ai reçu du Seigneur. Donc, le Seigneur a fait à soi Paul. En lui disant, Saul, il a dit, mais voici. Il dit, sache que le 14e jour de temps, les telles années de naissance telle, j'ai dit à Pierre et à Paul, à Jean, montez dans la cruche. Il leur a donné le détail. Le soir étant venu, je suis arrivé avec les 12. Je me suis assis. Pendant que nous mangeons, je me suis levé. Lisons la suite maintenant. Allons-y, frère. Quand j'ai reçu du Seigneur, allons-y. Quand j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, fait du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Stoppons là-bas. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs événements qui se passent inapprévus. Je crois que vous allez suivre ça si le frère Eba va publier ça parce qu'on en a parlé quelque part ici à Nyala. Il dit, le Seigneur Jésus lui a dit cela. J'ai appris du Seigneur, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai appris. C'est que dans la nuit où le Seigneur Jésus fut levé, pris du pain, pas pris des pains, pris du pain. Après avoir rendu grâce, on rompt le pain, donc on rend grâce et puis on rompt. On ne coupe pas petit à petit comme ça, on met là-bas. Qu'il y a combien? 1, 2, 3, 4. Il y a le frère Kamagat, ils sont deux, lui et sa femme, 1, 2. On met. Après, on couvre là-bas avec la robe. Et puis, on va venir prier sur les pains. La Bible déclare que c'est de façon solennelle. Devant et pendant qu'ils sont. Gardez bien le mot. Pendant qu'ils sont en train de manger. En train de manger le repas. Il lève le pain. Il rend grâce. Après avoir rendu grâce. Donc, le pain ne doit être rompu qu'après avoir rendu grâce. Souvenez-vous de cela. On ne rompt pas le pain comme ça. On ne rompt pas le pain. Et brise le pain. Et pour dire, effectivement, c'est pour lui, c'est pour dire que c'est consommé maintenant. Que ce corps sera rompu donc maintenant pour le monde. Il l'allait donne pour prendre ça. Chacun prend, il rompt, il donne à son prochain. Chacun prend, il rompt, il donne à son prochain. Ils font le tour jusqu'à ce que le pain finisse. Vous voyez ça, frère? Mais qu'est-ce que les gens font? Ils font le petit pain comme ça, ils mettent dans le truc. Après, le pasteur sort avec sa robe, il a mis les croix rouges ici, là, comme ça, là. Il porte son chapeau. La Bible déclare qu'un homme ne doit pas prier avec le chapeau. Il pose le chapeau, il dit, oh Dieu! La Bible déclare que dans la nuit où tu fus livré, il dit comme ça, il en fait comme ça le matin. Mais c'est quand même terrible. C'est terrible. Et tout ça est tellement solennel que pour d'autres personnes encore, ils ont des cartes vous appelez des scènes, qui font des préparations, ils payent 500 francs pour les autres, 600 pour d'autres. D'autres encore qui sont riches, ils donnent les offrandes. D'autres disent qu'en ce moment-là, ils donnent les grandes offrandes parce que c'est le moment où Jésus va délivrer toute sa famille. Tu parles. Justement, frère. Est-ce que ce pain-là a un rapport avec le pain qui est le corps du Christ? Lequel pain? Le pain de la Sainte-Seine. Ce n'est pas le pain catholique, ça. Parce que Le pain de... De la célébration. Le pain de la célébration. Oui, en fait. Oui. C'est le pain de la célébration même qui est même l'objet même de la commémoration. En fait, comme Jésus dit, je suis le pain qui est descendu, c'est-à-dire le pain... Je te vois venir maintenant. Attends. Si je pose cette question, c'est parce qu'il y a notre frère qui a... Non, ne t'inquiète pas. Notez le livre de Jean chapitre 6. Notez le livre de Jean chapitre 6. Je vous dis quelque chose. Dans le livre de Jean chapitre 6, regardez. Dans le livre de Jean chapitre 6, le Seigneur va leur donner d'abord multiplier le pain, les gens vont manger. Et puis par la suite, ils vont venir le chercher encore. Dès que vous m'avez cherché parce que vous avez vu le manger le pain, vous avez été rassasié. Et Jésus va commencer à lui parler maintenant, voici le pain qui sort descendu du ciel. Au verset 40 et suivant, il va commencer à leur dire maintenant que si quelqu'un ne mange de ces pains, il ne peut pas avoir la vie. N'est-ce pas, frère? Amen. Voilà. Le passage là ne parle même pas à 10 km. 6 mois à 100 km de la Seine-Sainte, ça n'a rien à voir avec la Seine-Sainte, ça ne touche même pas la Seine-Sainte à des milliers de kilomètres. D'accord? Parce que dans ce plan-là, il a dit que si quelqu'un ne mange, il ne peut pas avoir sa vie. Frère Pierre, as-tu la vie éternelle? Oui. Tu as mangé quel pain pour avoir? Le Kumba Bread? Non. Comment tu as fait pour avoir la vie éternelle? J'ai accepté le Christ, hein. J'ai suivi de nouveau. Ok. Donc ça veut dire qu'en croyant au Christ, tu as la vie éternelle. Amen. C'est ça, donc ça. Le croire, ça veut dire manger alors, d'accord? C'est de ça dont tu parles dans ce livre des gens là. Ça n'a pas, ce n'est pas le pain qu'on a décassé pour manger pour avoir la vie éternelle. Parce que Dieu, la Bible déclare dans 1 Jean chapitre 5 que Dieu nous a donné la vie éternelle. Et la vie éternelle se trouve dans son Fils. Celui qui croit en lui a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas en lui n'a pas la vie éternelle. Donc pour avoir la vie éternelle, il faut croire au Seigneur Jésus, n'est-ce pas? C'est la règle là-bas. Amen. On ne mange pas la Sainte-Sainte pour avoir la vie éternelle. On mange la Sainte-Sainte pour commémorer la mort du Seigneur Jésus. Parce que c'est ceux qui ont la vie éternelle qui mangent la Sainte-Sainte. Amen. Amen. Ceux qui ont la vie éternelle commémorent du fait que Christ est mort pour leur péché et il a donné la vie et ils sont dans la vie pour l'attendre. C'est ce que Christ a dit dans les Écritures. Car toutes les fois que vous mangerez cela, vous annoncez comme ça ma mort. Parce que vous savez que je suis mort. Et pourquoi il est mort? Il est mort pour nous donner la vie éternelle. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc il a déjà donné la vie. Alors, comme on a la vie éternelle, on se souvient qu'il nous a donné la vie éternelle par cette commémoration jusqu'à ce qu'il vienne. Donc les gens qui considèrent la Sainte-Sainte, ce sont les gens qui ont la vie éternelle. Ils ne manquent pas la Sainte-Sainte pour avoir la vie éternelle. Donc, autre chose encore, c'est que la Sainte-Sainte, il n'y a pas de verset qui dit que la Sainte-Sainte guérit les gens. La Sainte-Sainte tue plutôt. La Sainte-Sainte paralyse lorsqu'on ne mange pas de la bonne façon. N'est-ce pas, mes frères? Amen. Continuons la lecture. La femme dans la sainteté, bonjour. Bonjour, Frère Junior. Oui, je suis vraiment content. Je suis à l'aise là maintenant. Bonjour, Frère Junior. Oui, on a déjà compris. Continue, frère. Verset 25. Oui. Que même, après avoir soupé, il prit la coupe. Stoppons là-bas. Dit... Attendez, ne coupe pas. Donc, on a un problème avec la nourriture que vous venez mettre sur la table. Parce que ça veut dire clairement ceci. Lorsque vous avez votre repas, le frère Pierre vient d'escompter, le frère, tous les autres frères, vous venez, selon que vous avez convenu dans votre zone de vous de célébrer entre vous. Vous amenez votre repas, vous les mettez sur la table, vous avez rangé peut-être une table dans un coin là-bas, peut-être vous allez louer le Seigneur, chanter les cantiques comme vous voulez. Maintenant, le soir, lorsque vous avez convenu, que tout le monde est déjà là, parce que l'apôtre Paul dit là-bas, il dit que lorsque vous allez célébrer, attendez-vous les uns les autres, parce que vous vous connaissez justement. Vous voyez que l'église naissante et l'église primitive, ils se connaissaient. Donc les gens qui disent que non, parce qu'on est nombreux, il y a des bandits parmi eux, des prostituées parmi eux, on ne sait pas qui est qui. C'est pour ça qu'ils font le pain comme ça, ils coupent petit petit. Quand ils voient maintenant que ça va encore finir, ils prennent ce qu'ils avaient coupé, là, ils coupent encore petit petit. Alors, donc on a des problèmes. Et l'apôtre Paul dit ici que lorsque vous célébrez, donc, attendez-vous les uns les autres. Si vous ne connaissez pas le nom qui est là-bas, comment vous allez faire pour vous attendre les uns les autres? Vous voyez cela, n'est-ce pas? Maintenant, alors ici, dans ce livre de 1 Corinthiens chapitre 11, Paul nous dit, il dit que de même après avoir soupé, donc je t'en ai dit, de façon pratique, parce que là, c'est Ophélie poser la question pratiquement comment ça se passe, vous réussissez, vous avez les repas que vous avez positionnés. La Bible déclare là, on a commencé à voir au verset 24, il dit pendant qu'il mangeait, il prit du pain. Donc le pain se prend pendant qu'on est en train de manger. Pendant qu'on est en train de manger, la nourriture qui est sur la table, l'un prend le gibier, l'autre prend les biches et on nous mange. Celui qui officie prend le pain, il rend grâce, il rompt, les disciples mangent. Voilà comment la Bible est en train de présenter. La Bible déclare aussi verset 25, de même, après le souper, donc mon frère, on a la coupe par exemple, on a la coupe comme ça. La coupe est déposée sur la table. On ne prie pas sur le pain et la coupe au même moment. C'est ce que nous sommes en train de voir là. Parce que la Bible déclare, pendant qu'on mangeait, il prit du pain, il rendit grâce sur le pain. Après ça va rompu, il les donna, il mangeait. Donc pendant que les saints mangeaient les nourritures, ils sont interrompus pour manger le pain. N'est-ce pas mes frères? Voilà. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Et là maintenant, ici dit verset 25, il dit, de même, après le souper. Que veut dire après le souper? Dites-moi aussi. Après avoir terminé de manger. Après avoir terminé de manger. Donc la coupe se prend après que tout le repas soit terminé. Et que le pain avait été mangé depuis. Donc vous voyez que les amateurs de petits bouts de pain et petits bouts de riz, comme on boit comme ça et qu'on est sérieux là, ils sont en effet le sérieux dans le four, pas vrai? Amen. C'est ça, frère. Mais vous ne mettez pas en liste dans les Saintes Écritures comme ça, frère? Amen, frère. Amen. On dit de même. Après avoir soupé, il prit la coupe. Quand il a pris la coupe, qu'est-ce qu'il a fait, frère? Lis. Demain, après avoir soupé, il dit, cette coupe est la nouvelle alliance. Recommence encore. Recommence encore. Là, on a parlé après le souper. Recommence encore verset 25. Alors, de même. Voilà. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Oui. Ceci est faites ceci en mémoire de moi. Donc, toutes les fois que vous en boirez. Stop. Donc, il a dit clairement qu'on doit faire ceci. Donc, ce qu'il a dit de faire là, on doit faire cela. Pas vrai? Il dit qu'on fait cela en mémoire de lui. Donc, on ne serait pas la sainte, c'est selon notre doctrine. Selon notre révélation. C'est selon ce qu'il a. N'est-ce pas, les sœurs? Amen. Amen. Amen. Amen. C'est grave, pas vrai? Alors, je pourrais seulement poser la question, mais je ne la pose pas. Je voulais poser la question, que vous avez bu quoi depuis dans les dénominations? Mais je ne la pose pas, d'accord? Je ne pose pas. Vous n'avez rien entendu, je n'ai pas posé. Bon, le Seigneur m'a fait grâce. Je n'ai pas goûté. Ouais, il y a des gens qui se culpabilisent, même dans les scapulaires, ils disent que non, je ne suis pas encore communié. Il faut que je communie. Ils appellent ça la communion, vous parlez. Donc, si ça vous a esquivé, on a donné, on ne t'a pas donné. Dis gloire à Dieu parce qu'on ne t'a pas donné la sorcellerie. Pas étonnant qu'on a du mal à prêcher la parole aux gens que les gens croient. Parce qu'à chaque fois, c'est pour ça qu'au deuil, on donne. Au mariage, on donne. À l'enterrement, on donne. Chaque dimanche, il s'amène à donner. N'importe quelle messe, on donne. Pour être sûr que vous allez adorer le Dieu soleil. Vous allez boire le Dieu soleil, même que vous voulez ou pas. C'est terrible, pas vrai? Continuons à lecture seulement dans le livre des 1 Corinthiens. Ce qui nous a sauvés, frère, c'est l'ignorance. Moi, je pense. Ignorant. Un jour, quand on va commencer à prier pour quelqu'un, vous allez, la reine du sang va parler dans le corps, vous allez comprendre que ce n'était pas l'ignorance, vrai. Le frère, lis-nous ça, là, continuons. Continuons la lecture jusqu'au verset 32. Allons-y. Voilà. Verset 26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Jusqu'à ce qu'il vienne. Arrêtons-nous là-bas et faisons un petit commentaire. Il dit, toutes les fois que vous mangez de ce que vous buvez, vous annoncez la mort de celui qui vient. Et c'est ici que les gens donc se basent pour dire que non, toutes les fois, on peut le faire ça toutes les fois. On n'a pas envie de dire qu'on le fait toutes les fois. Toutes les fois, ça ne serait plus une commémoration. Parce qu'une commémoration, c'est un souvenir de quelque chose qui s'est passé à un moment donné. Quand vous voulez faire votre 25 ans de mariage, vous faites ça parce qu'en vertu, vous célébrez ça le jour où vous êtes marié la première fois. Pas vrai? Dans le livre d'Exode chapitre 13, le verset 10, la Bible déclare qu'on doit célébrer la Pâque d'année en année. Les Juifs ne célébrent pas la Pâque n'importe comment. Oh non, ok, comme je me fâche maintenant, je suis en règle avec Dieu, je célèbre ma Pâque aujourd'hui. Non, ça a été institué, il y a une date pour cela. Le Seigneur a attendu un moment bien précis pour le faire. Pour le faire à un moment bien précis. D'accord, frère? Oui, frère. C'est un peu comme dans le monde, les gens commémorent le décès. Le décès, justement. Exactement. Puisque c'est en ce jour-là. Vous ne pouvez pas dire que chaque samedi, plus mon père, on vous réunit. On voit le frère, on va te dire que papa. On va dire, mais qu'est-ce que tu fais, frère? Il dit qu'il commémore mon père. Ton père est mort. Donc, le samedi dernier, il est mort. L'autre samedi, il est mort. C'est qu'il faut vraiment la délivrance. C'est aux chrétiens qu'il faut la délivrance là maintenant. Je vous dis. Donc, ça veut dire que tout le monde comprend la commémoration, sauf les chrétiens. Où est-ce qu'ils ont hérité ceci des catholiques? Parce que les catholiques ont commencé à célébrer cela chaque dimanche. Après, ils ont dit, ok, on veut étendre ça, même dans les funérailles, lors des décès, ils vont aussi faire cela. Les protestants sont sortis et ils ont dit, ok, nous faisons aussi ça. Les protestants sont sortis et ils ont dit, ok, nous faisons une fois par mois, l'autre, non, c'est trois fois par semaine. Finalement, Dieu n'a pas donné libre cours aux gens de faire n'importe comment. Parce que c'est réglé dans les Saintes Écritures. Lors de la célébration de la Pâque, la Sainte Cène a été instituée. La Sainte Cène, c'est quand? Lors de la célébration de la Pâque. Je crois que c'est aussi simple, non? Célébrer dimanche dernier. Ah oui, Christ est mort quand? Oui. Il dit, mais Christ est mort quand? Il dit que c'était en Pâques. Tu sais encore aujourd'hui? Il dit, c'est sa mort et sa résurrection. C'est pas que si. Il dit, non. Quelque chose ne va vraiment pas avec nous. Donc, il faut qu'on laisse tout ce qu'on a pris de Babylone. On reste au rang dans les Écritures. Parce que Christ a dit qu'on fasse ceci en mémoire. En mémoire, en souvenir de lui. Tu te souviens de quoi? De la mort de Christ. Il est mort, oui. Quand? À la Pâque, non. Tu ne vois pas ça dans les Écritures. À la Pâque. Et toi, tu fais ça quand? Si tu fais ça, si ce n'est pas ce qu'il a fait, tu n'es pas en train de faire ce qu'il a dit. Que Dieu vraiment nous vienne en aide. Continue à lire, frère. Amen. Amen. Ah, le Seigneur est en train de nous délivrer de toute façon. Amen. C'est pourquoi, verset 27, c'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. C'est terrible. Vous voyez? Il dit, celui qui mangera indignement et boira indignement le pain et la coupe. Souvenez-vous, ce n'est pas les coupes. C'est un seul et même, une même coupe dans laquelle se trouve le jus du raisin que les gens boivent en donnant aux autres en assemblée. Chacun boit en passant. On passe la coupe jusqu'à ce que ça finisse. On donne à la soeur Ophélie, elle boit, elle passe au frère Oswald. Frère Oswald passe à son épouse passe à la soeur Aziza. La soeur Aziza passe à Pierre, chacun boit, passe. Chacun boit, passe. Ne dites pas que vous racontez, ouf, fait longtemps, pas bu cela. Vous venez, go, vous buvez. C'est que vous retrouvez au verset 20 en haut de ce qu'il est en train de dire, pas vrai, frère? Oui. Voilà. Continuons la lecture, mon frère. On fait juste un coup d'ici. Si quand on fait le tour, là, on a fini de faire le tour, il y a encore, on repasse encore. Vous continuez à repasser jusqu'à ce que ça finisse comme ça. Continue, mon frère. D'accord. Les témoins de Jéhovah, ils organisent, il n'y a pas parmi eux de 144 000, ils déposent d'abord, personne ne mange. Après, eux aussi, ils disent qu'ils sont en train de faire la commémoration. Il faut la délivrance aux témoins de Jéhovah avec les ruisselles et tout ça. Continue, mon frère. Verset 28. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Et qu'ainsi, ils mangent du pain et ils boivent de la coupe. Donc, ça veut dire qu'avant de s'avancer à la table là-bas pour pouvoir prendre ses coupes et prendre le pain là-bas, vous devez là, vous examiner vous-même. Continuons. Amen. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Vous avez entendu, non? Donc, si vous savez très bien que vous n'êtes pas en règle, si ta conscience te dit tu n'es pas en règle, ne t'avance pas. Parce que vous mangez comme ça là, vous sortez handicapé, vous venez dire que frère, je n'ai plus pour moi que mon pied se redresse. Je vais prier, invoquer Dieu, le Dieu lui-même qui t'a brisé le pied pour qu'il redresse, il ne doit pas accepter. Donc si tu ne veux pas, tu ne peux pas manger. Le jour où tu viens t'asseoir avec le frère, tu célèbres, vous chantez, tu vois comment ça se passe, tu restes tranquille, tu ne touches pas. Et ne force pas quelqu'un qui ne veut pas prendre, Parce que si son pied se casse, ce n'est pas votre pied. Ok. Continue, frère. Verset 30, frère. Oui. Juste une question, frère. Alors, dans ce cas, un frère qui n'est pas, ou une soeur qui n'est pas en règle, avance à la qu'est-ce qu'il doit faire? Il s'en rend compte qu'il n'est pas, ou elle n'est pas en règle. Ne t'inquiète pas, la solution vers la fin du verset, là, on aura la solution. Allons-y. Ne t'inquiète pas, frère. J'étais au verset 30. Oui. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades. Oui. Quand nombre sont morts. Vous avez entendu? Le Saint-Esprit vient de donner la révélation de ce qui s'est passé dans leur milieu. Donc, vous êtes surpris que dans le milieu chrétien, certaines personnes meurent. On dit que c'est quoi? Non, peut-être c'est la sorcellerie. Non. Le Saint-Esprit vient de dire qu'ils sont allés à la table du Seigneur sans discerner. C'est pas terrible, ça? Alors, non, on parle de la vraie. Si vous avez mangé la vraie, c'est que chacun devait avoir les ventres ballonnés, ils avaient les yeux tordus comme les Mongoliens. Exactement. Alors, maintenant que ça. Donc, là, on n'a rien eu. Pendant de restaurer toutes les choses en marchant d'après les Écritures, que chacun prenne garde maintenant, à partir de maintenant. Alors, amen. Le 14 Nissan de notre année, ou mieux encore de l'an 5579, se trouve être dans notre incrusté, dans notre calendrier, au 19 avril. Ça veut dire que si c'est le 19 avril, de l'année 2019 dont nous sommes, ça veut dire que le premier jour du premier mois que nous pourrons dire bonne année à vous, ce sera le 6 avril. Dans le 6 avril de notre calendrier en cette deuxième année, ce sera le premier Nissan. Dans le 6 avril, moi, je vais vous dire bonne année à vous, la France, dans la sainteté. Amen. Amen. C'est ça, non? Amen. C'est pas ça, mon frère. Donc, je ne dis pas encore bonne année, je dis ce jour, je vais vous dire bonne année. Ok, si donc ces jours-là on n'est pas ensemble, je ne vous vois pas, sachez donc effectivement que je vous ai dit bonne année. D'accord? Et il s'est prouvé donc que ces jours-là c'est un samedi. Donc c'est un samedi. Le 6 avril c'est un samedi. Ça correspond au 1er avril, au 1er Nissan. Et par conséquent, le 19, donc c'est le 14. D'accord, mes frères? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Et pendant on se rendait les célébrer sur Cameroun, sur le Seigneur le Père, on va mettre la vidéo et le truc. Vous serez connectés et on va vivre ça en direct. Vous allez voir comment ça se passe par ici. Pendant qu'on se rendait, voir comment ça se passe avec vous. Du coup, on nous a coupé la lumière encore ici. Je ne sais pas si vous m'entendez encore. On a coupé la lumière. Et par conséquent, je joue maintenant avec le tournoi. Vous m'entendez? Dans chacun aura son pain. Vous avez un officiant, non? Vous avez les officiers, vous avez les dirigeants là-bas avec vous, pas vrai? C'est pas n'importe qui le fait, c'est un dirigeant. D'accord? La France dans la sainteté, bon dimanche. Oui. Oui. Non, laisse-les tranquilles. Tu vas aller sauver ma soeur. La soeur Anne, le 25 décembre, ceux des assemblées faites cela, ceux du monde faites cela. Nous, on ne fête pas, on leur dit qu'on ne doit pas fêter cela, ils fêtent. La fête de la Pâque, la Bible déclare que nous devons fêter, voici la manière dont on doit fêter. Ceux des assemblées faites comme ils sont en train de fêter. Ils ne sont pas de fêter la fête de la Pâque. Donc, on ne peut pas les empêcher de fêter ce qu'ils ont fait, parce que chacun a sa doctrine. Ils ont les doctrines et les règlements intérieurs. Ils ont hérité quelque part. Nous, notre règlement intérieur sort d'ici, dedans, de la Bible. Et nous faisons ce qui est écrit. Donc, tu ne peux pas commencer à aller imposer aux gens que vous devez faire comme ça, vous devez faire comme ça. Là. Ils ont leur vision. Voilà. D'accord? Mais le Seigneur dit que voici comment on doit célébrer. Faites ceci en mémoire de moi. Et pendant cette solennité, maintenant, il y a le lavage des pieds. L'officier lave les pieds. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Vous avez les liens sur Bamba Eba. On a coupé la lumière ici. J'ai du mal à vous entendre parce que mon baffle est obstrué là. Oui. La femme n'est pas commandée à leur faire ma soeur. La femme, on vous a commandé que c'est votre style de vie dans 1 Timothée chapitre 5. Là-bas, il est question des disciples du Seigneur Jésus-Christ, celui qui officie, qui lave le pied. D'accord? Donc, quand il passe la route, là, comme quand vous êtes assis comme ça, là, il ne voit pas. Ne dérangez pas les gens. Donc, l'officiant lave le pied des disciples qui s'y trouvent. D'accord? Pour la femme, dans 1 Timothée chapitre 5, on voit clairement que la femme, pour être inscrite dans la charge dans le rôle de la veuve, elle lavait le pied des saints. On n'a pas parlé de la sainte sainte. Donc, ça veut dire que c'est un style de vie, une façon de vivre pour eux. Quand les frères Osva viennent comme ça, là, vous savez aussi que les hommes, quand il y a des hommes qui rentrent du travail comme ça, ils enlèvent les chaussettes, avec les chaussettes comme ça, là, tu peux sentir dans toute la maison. La femme doit supporter tout cela. Quand les gens viennent comme ça, la femme fait cela. En tout cas, je viens avec les hommes. Laissez-moi tranquille. La femme dans cet été, bon dimanche. Je vous laisse continuer parce que je dois travailler. Je m'en vais encore quelque part travailler. Je m'en vais à 25 km d'ici pour travailler. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'espère que dans le cadre de cela, vous avez, de façon sommaire, vous avez obtenu tout ce que vous pouvez le faire. S'il manque encore quelques réponses, que ce soit quoi, essayez de comprendre. Vous avez jusqu'au 19 avril. Il y a des enseignements sur Bamba Eba à consonance, là vous pouvez le faire. Et faites votre recherche vous-même. Que le Seigneur vous bénisse. Écoutez, le frère Yannick est au record. Le frère Yannick était sur Cameroun quand nous avions fait cela. Écoutez, la pacture. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Le frère Mani, Pierre Mani, là, j'espère que je lui ai parlé de son jeûne là. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse.